Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. David Ferron nous fera l'honneur de sa présence afin de survoler le plus récent numéro du journal Zone Campus. Et on jasera de marketing et d'affichage publicitaire dans le segment Le Bloc Pub. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour 3. Aujourd'hui. Assemblage Rookie pour 3. Aujourd'hui. Assemblage Rookie en ce mardi 22 novembre 2016, à moins de 156 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait des sujets de 6 fois à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien. Oui. Écoute, la neige s'est accumulée. Hier, on pensait que ça allait partir comme en pluie un petit peu, là, neige fondante. Non, finalement, ce matin, soyez très prudents. Oui, mais c'est moins glissant que ça en a l'air. Oui, si vous êtes à pied, j'imagine, en voiture quand même, je pense qu'on n'a pas encore commencé à mettre de sel. Ben j'ai croisé quelques camions, par contre, il y avait l'air à se dépêcher justement pour en pitcher un peu partout. Donc faites attention si vous allez soit à l'école ce matin ou au travail, parce que ça glisse quand même dans les rues un petit peu. Ce qui est le fun, c'est les gens qui n'ont pas changé leurs pneus encore, c'est vraiment super intelligent. À chaque année, c'est la même histoire. Je sais, hein, ça doit se courir au garage du coin. Eh ben, ils vont faire du cash ce matin. C'est sûr. Parlant de faire du cash ce matin, on va en dépenser en publicité aujourd'hui. OK. Avec le Bloc Pub, ça s'en vient plus tard. On a aussi la chronique du Zone Campus avec David Ferron qui va nous parler du plus récent numéro, le numéro 5 de 6 cet automne. Un petit automne pour le Zone Campus. Un petit automne. Ta chronique s'en vient. En fin d'émission, Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben là, je pense que c'est le temps, là, on peut commencer à en parler. Tu sais, il y a de l'accumulation de neige. Il fait frisquet, il y en a qui sont pas de bonne humeur. Vous cherchez peut-être quelque chose à faire pendant le temps des fêtes ou tout simplement les vacances d'hiver, de Noël. Alors, je vais vous proposer quelques idées. Fantastique! Qui ça qui est pas de bonne humeur? Ben, moi, en tout cas. Ah oui, t'es pas de bonne humeur! Ben, vois-tu? Moi, la neige. Ouais, non, moi non plus. Ouais. On s'habitue, on va s'entretenir. Ben oui. On va se divertir l'un l'autre. On va recommencer à faire son horaire différemment. Voilà, on va changer le monde avec une chanson. Exact. Allons-y avec cette chanson qui change le monde, c'est le Rel Canoe. Il part avec son basic. Ouh! Il va sûrement se planter quelque part. Bicycle. Ok, oui. À son âge, qui est sur ses fous. Pressed your lips to mine. I blush so bright that it glow glow. You made me swallow up a butterfly, and all I want is to catch a cannon, catch a cannon. There's a bedsheet pillowing, clipped on with a clothespin. I'll make you shudder like a camera when you see me lift a mountain like a smoking gun. Catch me cause you're slower than an Oscar. Wanna know a secret you can keep it if you never tell. Royal Canoe avec Bicycle ce matin. Maintenant, c'est... Oh. Je pense que même, non seulement est-ce que j'ai de la gorge qui a comme un petit peu de misère, mais je pense qu'en plus, il va falloir que j'avale ma passée. Oh, je pense que c'est le temps, Mathieu. C'est la bloc, pas bac. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Ah, ah. Je préfère le goût de Pour Papi Papi Le goût rafraîchissant, le goût désaltérant. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute, la dose seulement. C'est le bloc-pub et la passée a réussi à disparaître. Ah, t'as avalé ça rapidement. Ouais, pire, hein? Donc, le bloc-pub, c'est la chronique dans laquelle on parle de marketing, d'idées publicitaires pour faire vendre des choses. C'est une chronique que j'aime bien faire une fois de temps en temps. Donc, commençons avec une agence qui a fabriqué en fait une machine, c'est des machines à pince pour les toutous, pour recruter des gens pour qu'ils gagnent une entrevue pour un emploi. Oh, d'accord. C'est cool, hein? Donc, c'est ça, on se rappelle tous de ces machines à pince vraiment fatigantes que personne ne réussit jamais à gagner, hein? Mm-hmm. Et puis, ils ont recréé ça avec une version numérique modélisée sur une vraie machine d'arcade avec des prix à l'intérieur. Donc, on utilise le clavier pour contrôler la pince et ramasser de la marchandise au hasard. L'objectif était de gagner une entrevue pour un emploi avec ce studio-là, qui est un studio de maker, donc des gens qui fabriquent des choses eux-mêmes, souvent des robots, des gadgets comme ça. L'entrevue pouvait prendre place en surf avec le Chief Creative Officer de la compagnie, aller se faire un massage, aller en Segway ou via Google Hangouts, ce qui est le prix que la compagnie Adweek a gagné. Donc, ils sont pas très bons à la pince, mais quand même, vous pouvez essayer vous aussi, si ça vous intéresse. C'est la compagnie Be Real. Be Real. Ensuite... c'est la boutique éphémère du Bec qui est de retour. À l'approche du temps des fêtes, le bénévolat d'entraide aux communicateurs renouvelle sa boutique éphémère Bec Boutique, offrant la possibilité d'acheter des cadeaux de Noël. Donc, du 15 novembre au 15 décembre, chaque achat permettra d'aider l'industrie. Une variété de cadeaux, dont des billets de spectacle, des appareils électroniques et des produits de beauté, des chèques cadeaux, pourront être commandés en ligne et seront acheminés déjà tout emballés. Oh, c'est-tu pas merveilleux? Le BEC est un organisme à but non lucratif mis sur pied pour aider les professionnels de l'industrie des communications à mieux faire face à leurs problèmes personnels, professionnels ou financiers. Entièrement financé par le secteur privé et par les particuliers, le BEC offre une variété de services gratuits, confidentiels, accessibles en tout temps. Becboutique.ca, c'est jusqu'au 15 décembre. C'est marqué du 15 novembre au 15 décembre ou jusqu'à épuisement des emballeurs. Ah, des emballeurs! C'est pas pire. Pas des emballages, des emballeurs. J'adore ça. Ensuite, une agence, pardon, ça va être difficile. Hein? C'est correct, on te pardonne. Merci. L'agence, une agence, oui, à Brooklyn, qui vend des anneaux bleus. C'est une façon de combattre Trump. Oh mon Dieu. Oui. C'est une campagne de la compagnie Breakfast qui va aller à des organismes à but non lucratif. Donc, les gens partout aux États-Unis et partout dans le monde ont de la difficulté à comprendre les résultats des élections américaines. Plusieurs se demandent ce qu'ils peuvent faire pour combattre l'impact négatif que le pouvoir futur de Donald Trump devrait avoir sur un paquet de sujets, dont les droits civiques, les droits des femmes et le changement climatique. Les fondateurs d'une compagnie de design de produits de Brooklyn, Breakfast, ont choisi de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire un design de produits. Donc, c'est une simple bague bleue fabriquée d'aluminium et supposée symboliser la résistance paisible et la justice sociale. On encourage donc une cause majeure de la part du Chief Creative Officer Andrew Zolti, qui dit que nous devons protéger nos familles, nos amis et nos enfants. Donc, à 20$ chacune, les bagues, les anneaux ne sont pas que juste belles. Elles sont supposées ramasser de l'argent pour des organisations clés. Les profits des ventes via une page Indiegogo vont aller vers 5 entreprises à but non lucratif qui voient leurs activités menacées par l'administration Trump à venir. L'American Civil Liberties Union, l'Environmental Defense Fund, Every Town for Gun Safety, GLAAD et Planned Parenthood. Donc, c'est différent pour Breakfast de se lever devant, de résister comme ça à la politique. C'est une petite firme indépendante créée pour des compagnies comme Google et Major League Baseball. La bague est aussi un produit beaucoup moins technologiquement complexe que la plupart de leurs précédents projets. Entre autres, un énorme écran qui recréait des photos Instagram avec du fil pour Forever 21, ce qui était vraiment cool. Une pancarte connectée à Internet que Breakfast avait créée pour sa propre entreprise. Ils essaient de ramasser 10 000$ avec leurs bagues, leurs anneaux. Et Breakfast devrait pouvoir livrer les bagues d'ici janvier. Moi, je crois qu'ils vont y arriver. Je crois aussi. En plus, c'est vraiment une très belle bague d'acier, genre. Oui, vraiment. En aluminium, c'est vraiment parfait. C'est super, super moderne, je dirais. Mm-hmm. Contemporain. Facebook restreint son ciblage ethnique. Facebook ne permettra plus aux annonceurs américains d'exclure des utilisateurs selon leur origine ethnique pour les publicités relatives à l'immobilier, à l'emploi et au crédit. Oui, ça arrivait pour vrai. Facebook permettait aux annonceurs de cibler ses utilisateurs selon leur affinité ethnique. 6 catégories de personnes y sont représentées, les Afro-Américains, les Américains d'origine asiatique et 4 types de groupes hispaniques selon la ou les langues parlées. Les annonceurs peuvent inclure spécifiquement un ou plusieurs de ces groupes ou les exclure de leur ciblage. Les inquiétudes des Américains envers cette pratique sont apparues le 28 octobre. Le média ProPublica a alors publié un article où il expliquait comment il avait réussi à acheter une publicité ciblant les utilisateurs de Facebook à la recherche d'une maison en excluant ceux qui ont une affinité avec les internautes afro-américains, asio-américains ou hispaniques. C'est quand même intense. Ouais, vraiment. Les utilisateurs du réseau social ont par la suite intenté une action en justice contre Facebook. Ils y statuent que cette option est discriminatoire, sans blague, et viole leurs droits. Ben, quoi que Donald Trump le faisait à l'époque. Oui, il c'est ça. Il permettait pas aux Noirs de prendre des appartements, fait que si le président le fait... Écoute, you know, rendu là. C'est fine. Est-ce que ça viole leurs droits protégés par la loi sur les droits civils de 1964 et la loi sur le logement équitable de 1968? En réponse à ces inquiétudes, Aaron Egan, vice-président des politiques publiques de Facebook aux États-Unis, a accordé une entrevue au quotidien USA Today. Elle explique que le réseau ne permettra plus aux annonceurs d'exclure des groupes ethniques pour les publicités relatives à l'immobilier, à l'emploi et au crédit. Il produira des outils pour détecter l'utilisation de ce type de marketing, puis mettra ses politiques publicitaires à jour afin que les annonceurs acceptent de ne pas faire de discrimination. Il ne s'agit pas d'un recul complet de Facebook, mais d'un accès plus restreint aux outils de ciblage, et encore une fois, sûrement dans quelques catégories. Pardon. Ouch! Ça fait mal, ça? Oui, hein, ça l'a sonné, ça l'a sonné comme si ça faisait mal. Astral! Oh, attends un peu. Vais-je être capable de continuer? C'est la question. Wow, c'est la journée où ça commence. Astral Affichage qui va modifier son offre d'affichage nu. Pas sûr que je suis capable de continuer. Après 3 fois, on s'entend que... Dernière chance, OK? C'est vrai. Donc, Astral... Affichage bonifie son offre d'affichage numérique en temps réel. Momentum donne vie aux campagnes d'affichage publicitaire numérique en adaptant en temps réel les messages en fonction de critères dictés par le client. Astral Affichage qui lance donc Momentum, un nouveau service qui permet de produire une campagne de données dynamique liée à l'actualité en 48 heures. Disponible sur la majorité des produits numériques d'Astral Affichage, Momentum diffuse du contenu dynamique en lien avec les sports, la météo, la circulation, les médias sociaux, les comptes à rebours et bien plus. Élaboré par Astral Affichage, la technologie mise sur des données provenant de sources plus fiables et mises à jour plus fréquemment, incluant Google Maps pour la circulation et World Weather Online pour la météo. Momentum permet ainsi une plus grande synchronisation et de l'information plus précise à des prix jusqu'à 70% plus bas que les campagnes employant la technologie précédente. Ouh. Ça me rappelle un peu les pancartes dans les centres d'achat. Oui. Avec les nouvelles qui sont pas toujours à jour. C'est vrai. Des petits bugs techniques. JetBlue, la compagnie d'avions, qui oui. fait semblant qu'on est dans les années 60 avec un logo rétro, oh. une boutique pop-up et un avion pour célébrer un nouveau service à Palm Springs. Rien de moins. Oui, Colin. Hein? Volé de New York à Palm Springs pour célébrer le nouveau service saisonnier sur cette route. JetBlue retourne dans les années 60 avec une boutique Time Travel Agency à New York, une version rétro de son logo avec des publicités qui vont avec, et même un avion peinturé, peint de façon rétro. Boutique qui a ouvert un certain vendredi sur Wooster Street à Soho, le quartier Soho. Mm-hmm. Le même magasin où vous avez construit une machine Rube Goldberg il y a plutôt cette année. Rube Goldberg, la machine que quand tu fais quelque chose, ça claque sur quelque chose d'autre, claque sur quelque chose d'autre. Bon. Donc cette fois-ci, la Time Travel Agency créée par l'agence de JetBlue Mullenlow avec des personnages fidèles à la période, ainsi que des meubles, et plein de trucs des années 60, d'autres concours. Ça a fermé ensuite le samedi, donc juste pour une journée. Wow! Et il fallait évidemment payer les prix de 2016. Ils sont pas allés jusqu'à offrir les prix des années 60. Ça aurait été un petit peu trop pour eux autres, mais beaucoup mieux pour le client. Hein? Il y avait une publicité dans un journal, le Wooster Street Journal, une publicité de 4 pages qui était créée pour avoir l'air d'une année d'une édition, le journal des années 60. Et puis aussi, JetBlue avait... On dit que les designers de JetBlue ont passé des jours complets à Lublin Archive at the Cooper Union à New York pour faire de la recherche sur les publicités, les imageries, les polices de caractère des années 60 pour réussir à faire tout ça. C'est vraiment joli. Allez voir sur assemblagerequipe.com. Les photos sont là. Je crois pas qu'il y avait de vidéo publicitaire à regarder. Non, malheureusement. J'aurais aimé voir la publicité qu'ils avaient créée. Que voulez-vous? Maintenant, un coup de jeune pour Alloprof. Après 20 ans d'existence, Alloprof dévoile une nouvelle image de marque signée KBS Montréal et Canidé afin d'actualiser son identité et de mieux atteindre son public cible qui est les jeunes. Sacha Ouimet, directeur de création principale de KBS Montréal, explique que cette nouvelle identité reflète le souhait d'Alloprof de s'adapter à l'environnement toujours changeant des élèves. L'identité de marque mise sur une esthétique qui se veut épurée, aux couleurs vives et au caractère polyvalent, elle a pour objectif de faire écho à l'apprentissage et à la réussite scolaire tout en rappelant le cœur d'Alloprof qui est la discussion entre les élèves et les enseignants de l'organisme. Le lancement de la nouvelle identité est accompagné par une campagne également créée par KBS. Elle s'est déployée en affichage et à la radio. On y rappelle sur un ton humoristique que si on peut pas toujours avoir la bonne réponse, Alloprof est là pour la trouver. Le A de Alloprof et le P de Allo, dans le fond, le A de Allo et le P de Prof sont en forme de bulle, si on veut. Et le P est la même chose que le A, mais viré à l'envers. Donc ça fait comme si le A parlait d'un bord et que le P parlait de l'autre bord pour donner l'impression que t'as un prof et un élève. Okay. Tu comprends? C'est quand même assez bien fait, assez bien pensé, même si les bulles en tant que telles, c'est un peu cliché. Mm-hmm. Je trouve que l'idée d'avoir un A et un P qui se parlent l'un l'autre, c'est vraiment bien. Et là, sur les affiches, t'as des cartes un peu à la Cards Against Humanity ou à Lost Jeu ou peu importe ce que vous voulez. T'as des cartes qui disent, bon, c'est pas la playlist que t'as mis 45 minutes à trouver qui va vraiment t'aider à étudier. Ou pour que tes hashtag vacances ne virent pas en hashtag cours d'été. Oh. 1500 mots sur le traité de Paris, point. Pour demain, point. C'est quand même pas pire. On va étudier. Oui, en effet, on va étudier et écouter le message radio que j'espère que vous n'avez pas entendu précédemment. Hein. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là. Comment je fais pour trouver ça? Ma? Allô, prof. Ma, j'ai besoin d'aide. Oui? En anglais, là, c'est quoi déjà une auxiliaire modale? Auxiliaire model. On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Alloprof. Oh. C'est quoi la première chose qu'il lui demande? Tu vois, l'affaire, c'est qu'il y a tellement eu de changements avec la réforme que juste... Par exemple, nous, on aurait une conversation avec quelqu'un qui est au secondaire présentement qu'on saurait même pas de quoi qu'il parle. On va répéter, voir. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là. Le groupe prépositionnel. Ouais, c'est ça. Prépus, comment c'est? Comment je fais pour trouver ça? Oui, Mathieu! toujours dans le bloc pub. Merci à le prof. C'est un organisme qui est là pour aider les gens, donc on peut se permettre de passer leur publicité. Ensuite... Ah, c'est le complément de l'adjectif. Mais ça, ben, voyons, non, je t'ai pas répondu parce que c'était trop facile. Mais oui, vraiment. Écoute, c'est sûr que tu savais ça. Oasis, tu connais le jus Oasis? Oui, ben oui. J'en ai une bouteille ici, d'ailleurs, Oasis Nutri-Solution, que je bois ce matin. Oui. Donc, c'est un jus vraiment près du fruit, nous dit-on. Une orangerie en plein centre-ville de Montréal grâce à Elixir Marketing Olfactif. Cet automne, la sonde a lancé une campagne multimédia afin de supporter la marque Oasis. En plus d'un mix média traditionnel visant à répondre aux différents objectifs, la sonde et ses agences LG2 et Touché ont opté pour une approche olfactive innovatrice. En proposant la réalité olfactive du jus d'orange Oasis Premium, fraîchement cueilli dans un décor d'orangerie en plein centre-ville de Montréal, en collaboration avec Québécois Groupe Média et Elixir Marketing Olfactif. Une stratégie d'innovation basée sur les émotions et le souvenir autour de l'olfactif qui rappelle la proximité de la marque avec le fruit. Dans un abribus de Québécois Média Affichage, les cinq sens des passants sont interpellés par un visuel impressionnant. On parle donc de caisses avec des oranges dedans. J'étais rendu où dans l'article, là? Oui. Des effets sonores. Un décor immersif, une expérience olfactive ainsi que la possibilité de goûter un jus d'orange Oasis Premium directement dans la bribuse. Pour une expérience sensorielle complète, l'ambiance d'une orangerie est reproduite avec des bruits d'oiseaux et de criquets, les chauds rayons du soleil et l'odeur d'orange fraîchement cueillie. L'expérience sensorielle complète d'Oasis Premium installée dans un abribus de Québécois Média Affichage amène les passants à interagir avec leurs cinq sens par un visuel impressionnant. On a déjà tout dit ça. Plusieurs personnes passeront à répétition devant l'abribus au cours du mois et sentiront l'odeur d'orange pressée, rappelant le bon jus d'orange Oasis Premium. Le projet à grand déploiement est un événement urbain en plein cœur du centre-ville de Montréal, au coin de Peel et de Relais-Lévesque, où une équipe terrain accueille les passants et les invite à vivre l'expérience Oasis, un jus vraiment près du fruit. Une bonne idée. Mm-hmm. Très joli en plus, le petit abribus. C'est vrai, hein? J'aime ça. Et les gens sont tous habillés avec des manteaux oranges. Tu sais, pour faire. Vrai. Hein? Ouais. C'est pas des vraies caisses d'oranges, ils sont juste imprimés sur les murs. Dommage. De dos, il y avait l'air vrai, je trouvais. Mais bon. Cossette, qui a trouvé une idée d'une super publicité qui peut fonctionner littéralement pour n'importe quel produit ou service. Pourquoi perdre son temps à développer différentes idées créatives et exécuter ça pour chaque client si on peut faire une approche clé en main, one size fits all, hein? C'est le pitch d'une agence canadienne que vous connaissez sûrement qui s'appelle Cossette, dans une petite vidéo amusante qui amène l'idée d'une super annonce qui peut fonctionner pour n'importe quel produit ou n'importe quel service. La flexibilité de l'exemple est impressionnante, nous dit-on. La vidéo est fabriquée pour Strategy Magazine et leur événement Agency of the Year qui a eu lieu récemment. Donc on va regarder cette publicité-là, évidemment, comme toujours, je vais essayer de la décrire pour vous, chers auditeurs. At Cassette, we know how important it is for clients to have unique ads that work only and specifically for their products and services. And as we know, comme nous le savons, les durées sont raccourcies, les budgets sont plus petits pour livrer un contenu. Nous croyons avoir la solution pour vous. Nous avons éliminé le processus de planification du propriétaire et les méthodes à l'ancienne mode pour créer une série de super annonces qui fonctionnent pour n'importe quel produit ou service. Regardons! On est dans un salon. Someone's got a case of the Mondays. Un couple. It's not Monday. Quelqu'un n'aime pas les lundis. Nous ne sommes pas lundis. Il se cache derrière un coussin pour dire « Ce sont les mots de cette cartouche d'encre. » Et là, la fille se tourne. On voit pas sa bouche. « Ah, tu as besoin d'une nouvelle cartouche d'encre. » Et là, j'ai hâte d'utiliser ma nouvelle imprimante. La HP Laser Pro va résoudre toutes vos frustrations. Là, on a le même couple dans le même salon. Oh, quelqu'un n'aime pas les lundis. It's not Monday. Ce n'est pas les lundis, c'est... C'est maudits os qui sont faibles. On dirait que tu as besoin de lait avec calcium et vitamine D. Wow, merci. Maintenant, j'aurai les meilleurs os. Le lait. Goûte très bon et vous donne de meilleurs os. Tu comprends? C'est le même couple avec qui se cache la bouche. Ouais. On pourrait la faire longtemps. Ouais. You're cheating on me. Tu me trompes. On dirait que tu as besoin d'une nouvelle femme. Wow. Thanks. Merci. Is this because of my stink breath? Est-ce que c'est parce que je sors de la gueule? Non, mon Dieu. Match.com, remplacez votre mari ou votre femme. Celle-là est quand même bonne, je trouvais, la dernière. Ça finissait bien. Ben oui. Je trouve que le lait, c'était bon. C'était sympathique, là, mais celle de remplacer votre femme, c'est quand même drôle. Donc voilà, c'était pour Agency of the Year par Strategy Magazine. Ensuite, un accord 20 chatons pour Pyrène. Ben oui. Ben oui, Compagnie et Compagnie signe la campagne du vin rouge français Pyrène qui fait son entrée au Québec à l'aide de chatons. Déployée sur les abribus montréalais, l'opération joue sur la facilité à accorder le vin de l'annonceur à l'aide de la croche. Pyrène s'accorde avec presque tout, y compris les chatons. André Paradis, directeur de création et associé de Compagnie et Compagnie, explique que les membres de la génération Y consomment leur vin de façon complètement décomplexée, nonobstant le snobisme et le savant vocabulaire de dégustation. C'est une vraie phrase qu'il a vraiment dit. Ben oui. Hein. Ils savent ce qu'ils aiment afin d'attirer leur attention sur ce nouveau vin qui s'accorde avec plein de plat. Nous avons donc opté pour un message simple et une solide dose de second degré. Pyrène est facile à aimer. Et quelle est la chose la plus facile au monde à aimer? Des petits chats, sauf pour Tania. Exactement. Parce que Tania a un cœur de pierre. J'ai pas un cœur de pierre. Ouais, c'est juste que ça fait absolument rien de regarder un chat, mon avis. Un chien, ça fait quoi? Ben, ça dépend, hein, s'il est cute ou non. Donc, facile à aimer, Pyrène s'accorde avec presque tout, y compris les chatons, c'est leur slogan. Et vous pouvez voir les abribus très, très attirants sur assemblagerequis.com. Parlant de vin, c'est la chaîne Ici Musique qui s'inspire aussi du monde des vins. Pour promouvoir son application Ici Musique, Radio-Canada a lancé une campagne multiplateforme réalisée à l'interne où la musique se joint à l'univers des vins dans un clin d'œil à la Société des alcools du Québec. Déployé à la télé, dans les médias imprimés, à la radio et sur le web, l'offensive joue volontairement sur sa ressemblance avec une campagne de la SAQ. Ainsi, alors qu'à première vue, le public peut croire qu'il s'agit d'une discussion sur la bonne bouteille à choisir, il s'agit plutôt de recommandations musicales offertes par les animateurs d'ici musique, Philippe Femiou, Penelope McQuaid et Rebecca McCullen. Hmm. Les gens les plus cheesy du monde, j'en viens même. Pour vrai, non mais pas vrai, là. Tu as déjà écouté cette émission-là? Oui. Okay. Soutenu par la signature Vos goûts, notre musique, l'accord parfait. L'opération utilise d'ailleurs un langage propre au domaine des vins afin d'illustrer l'étendue de l'offre musicale sur l'application Ici Musique. Les messages télé ont été conçus en format de 10, 15 et 30 secondes. Ceux-là, vous les avez sûrement vus. Quant aux déclinaisons imprimées et web, elles reprennent le même thème que les publicités télé, alors qu'elles mettent en scène des mains d'un serveur tenant un téléphone portable, toujours en recourant à des termes propres au vin. Radio-Canada vise ainsi à différencier les offres d'ici musique, alors que les sélections musicales sont distinctes de l'offre radio traditionnelle sur la même application. La campagne multiplateforme sera déployée jusqu'au 5 décembre prochain. Il n'y a pas de la publicité radio, j'aurais aimé vous la faire jouer. Mais bon, on ne jouera pas celle à la télé parce qu'on vous les avait peut-être déjà vues. Maintenant, une agence qui espère apprendre en vivant avec une famille ordinaire pendant une semaine. OK. Ouais. L'homme de publicité, David Ogilvy, a déjà dit « Le client n'est pas un moron. Elle est votre femme. » Tu comprends? Mm-hmm. Il y a même des stations de... je crois que c'était de radio que j'ai déjà vu qui avait un grand cadre dans leur entrée. Avec une femme dans la quarantaine, dans sa petite veste, genre, tu sais, avec un café, ouais, c'est ouais. Ça. Puis ça dit juste, genre, c'est elle. Vous faites de la radio pour elle. Mm-hmm. Tu comprends? C'est pour te minder à parler à cette ma tante. Oui, là. C'est... C'est une bonne façon de faire, pour vrai. Bien, tout à fait. Pour cibler ton public. Exactement. Voilà. Nous, notre affiche serait composée de gens un peu bizarres. c'est une blague. Salutations. Ah non, allô, c'est pas vrai. Allô, gens tout bizarres. Non, assumez-vous et on s'assume nous aussi. On est hors normes. Oui, exact. Avoue-le. Mm-hmm. On est un petit peu hors. On n'est pas Kétan. Non. Sauf pour la musique de fond, qui est voulu Kétan. Oui, c'est ça. Présentement, c'est celle-là. C'est la chronique d'InfoPub. C'est voulu. Donc, en Italie, on essaie de copier ce monsieur Ogilvy. Là, il s'est développé par un auteur qui s'appelle Alberto Arbacino dans les années 60, qui est devenu, comme on veut, un modèle pour les pitchs et les brainstorms, donc les remue-ménages. Ce qui nous ramène donc à La Baleine, l'agence dont les exécutifs l'an dernier ont marché pendant 125 miles pour un pitch dans The Voghera Housewife. Ils vont passer une semaine à live streamer leur travail dans une maison d'une famille normale. Donc c'est Michelle, une femme qui est mère et propriétaire de chats et beaucoup de serviettes propres, nous dit-on. Donc c'est ce qu'on va faire pendant une semaine. On va écouter juste un extrait pour voir... donc l'estate scorsa mia mamma, enfin, je suis pas capable de faire l'italien. Ne hanno parlato tutti. Peut-être que je suis capable finalement, mais c'est pas nécessairement vrai. Quest'anno faremo? On peut-tu avancer jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ouais. Okay. Donc on a Michelle, la femme. Et là ben on la suit avec la caméra. Elle nous montre sa fille. Tout ça est super coaché évidemment. La fille Alessia qui s'en va à la salle de bain, ferme la porte. Ecco, questa è la nostra camera da letto. Ici c'est le chat qui est sur le lit. Questo bel gatto. On le flatte, même le chat est coaché, tu sais. Ça s'appelle Righetta. Di qui abbiamo il bagno, qua ci sono la salle de bain avec les serviettes propres pour la compagnie de publicité, bien sûr, pour pouvoir faire du brainstorm. On regarde par la porte, on voit Fulvio qui est le mari. Hein? Quand même. Prego, mi segua, che di là la salle. Ah là, c'est vraiment plate. Et on voit, c'est. Ah, tiens, c'est les collègues de La Baleine, l'Agencia Creativa, qui sont assis dans le salon. Ils ont leur propre chambre pendant une semaine, dans la maison, pour travailler. Parce que comme ça, ben, tu peux vraiment faire un produit, une publicité qui va atteindre la famille moderne italienne. Ben oui. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. J'aime ça, la petite guitare bass en arrière. Bref. C'est un peu jazzy. C'est un peu jazzy. Ouais, on aime bien ça. On revient à notre info pub. Oui. Voilà. Ah. J'aime le Kétan revient au galop. J'aime beaucoup parler de publicité sur un fond d'info publicité. Je trouve ça malade. Et si vous appelez maintenant? Ensuite, une expérience en réalité virtuelle pour Diageo qui vous met en plein milieu d'un accident de voiture causé par une personne à facultés affaiblies. OK. Diageo, donc, qui a sorti une expérience de réalité virtuelle vraiment pas amusante du tout. C'est une vidéo qui s'appelle Decisions, qui suit un groupe de trois personnes dont l'histoire finit par fusionner ensemble, faire une convergence dans une scène tragique d'accident de voiture. La vidéo est disponible sur les plateformes de vidéos de réalité virtuelle comme Facebook 360 et YouTube 360, ainsi que l'intégration avec le New York Times, qu'on peut voir entre autres sur un Samsung Gear VR, un Oculus Rift ou un Google Daydream, donc les appareils de réalité virtuelle. Et c'est synchronisé bien sûr avec la prochaine saison des fêtes. Donc, on va essayer de l'écouter un petit peu. On sera pas en 360 degrés à la radio. Je m'excuse, on n'est pas encore rendu là. On n'a pas encore bien mettre budget. Donc, Decisions, une expérience de réalité virtuelle à 360 degrés. Donc, tout ce que ça prend pour une personne pour faire la mauvaise décision est de boire et de conduire. Regardez jusqu'à la fin pour l'expérience complète. L'Américain moyen passe 101 minutes par jour dans la voiture et c'est là que nous démarrons de nouvelles carrières. Je vais te faire un point entre les deux. Donc ici, on voit une femme d'affaires. Hi, Samantha. Dans la voiture. Bonjour, Samantha. Yes. Oui. Who's this? Qui est? Darren Eccles from Spectre Fashion. Je suis de Spectre Fashion. J'ai vu votre portfolio, je l'adore. Vous pouvez passer nous voir demain? Là, ensuite, ça dit, c'est là que la romance... naît ou reste vivante. C'est un couple qui s'embrasse sur les sièges avant de la voiture. La fille prend un jouet de bébé et lance ça en arrière. C'est là qu'on rit avec des amis. Et le prochain clip, où ils sont trois dans la voiture, je pense faire pousser ma barbe. Je parle d'une barbe de 2 ans, genre. Est-ce que tu penses que Stacy aimerait ça? Et la fille en arrière dit, qu'est-ce que t'en penses? Le gars dit, ouais, c'est ce que je fais. Le gars, la fille dit, est-ce que t'es capable de te faire pousser une barbe? Ensuite, ça dit, c'est là qu'on prend des décisions qui vont avoir un impact sur le reste de nos vies. Et là, la fille du premier clip est saoule un peu. Elle s'est fait payer l'alcool par la compagnie. J'ai essayé de suivre le rythme de la conversation, mais c'était trop. J'espère que j'avais pas l'air trop saoule. L'autre gars est... Il s'est fait envoyer un snap par une fille. C'est la fille qui est rendue au volant dans le clip des amis. Là, les trois ont clairement vu. Dans le couple, la fille dit « Je t'aime comme en tant que père ». Et là, la première du clip n'a pas vu l'original, donc a essayé de l'éviter. Je vous sauve quelques extraits ici. Do you think it would be uncool if I ask Stacy for directions? What do you think? Someone's in a hurry. Et là, j'imagine que les trois vont se croiser. Évidemment, tu vis le ralenti aussi quand t'es en réalité virtuelle. L'extrait a ralenti, on voit les voitures passer partout. Évidemment, j'imagine que tu joues le rôle que tu veux dans l'extrait. Ils sont allés vraiment très intenses dans les effets spéciaux. Ouais, hein? Ah, je viens de voir, tu peux, dans le coin en haut à gauche de la vidéo sur YouTube, tu peux toi-même choisir l'angle en passant. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fait pour être regardé dans des lunettes spéciales. Donc, on a à peu près compris l'idée. Vraiment bien fait. Je sais pas si ça va plus encourager les gens à penser à ça. Pas plus qu'une publicité qui fait la même chose à la télé, mais bon, j'imagine que d'être dedans vraiment peut te donner un petit peu peut-être. De... Je sais pas. Donc, allez voir ça. C'est, comme je disais, vraiment bien fait et ça dure super longtemps. Après ça, il reste encore un bon 1 minute et demie. Donc, vous avez le temps de voir les gens souffrir et agoniser comme si jusqu'à leur mort. De vendre. Ben non, mais c'est pour conscientiser les gens, oui, bien fait. Sûr. Le lait est en lutte contre la noirceur. Les producteurs de lait du Québec et LG2 ont lancé une campagne à l'occasion du changement d'heure récemment, dont l'objectif était de se positionner comme une source de vitamine D et une solution aux heures de soleil qui diminuent. Les producteurs de lait du Québec recherchent toujours des initiatives innovantes pour stimuler la consommation de lait. Cette offensive s'inscrit particulièrement bien dans notre nouveau positionnement solide liquide, dit Julie Gélina, la directrice du marketing des producteurs de lait du Québec. L'opération a été déployée les 6 et 7 novembre dernier durant le changement d'heure. Par un message diffusé lors des heures de grande écoute du dimanche soir, le lait a interpellé les Québécois pour les aviser du sombre lendemain qui les attendait, mais surtout leur proposer le lait comme une solution. À partir de lundi matin, la campagne accompagnait les consommateurs avec de la présence, entre autres, dans la Presse Plus, le journal Métro et certains quotidiens du Québec. Elle sera également présente lors du retour à la maison, alors que le changement d'heure se fera sentir par la tombée hâtive de la nuit. Un message radio de 30 secondes, des super panneaux et des doubles lumiquets le soutiendront aussi. On va écouter, au moins, juste pour le fun, la publicité radio. Chers auditeurs, nos condoléances. Aujourd'hui est un lundi noir. Non seulement c'est le retour au travail, mais depuis hier, l'heure a changé. Une heure de moins de soleil, ça fait mal. Pour faire passer ça, buvez un bon verre de lait. Ça ne ramènera pas le soleil, mais ça va vous ramener de la vitamine D. D comme dans tes dents le soleil. Allez, en ce lundi noir, buvons de ce lait blanc, solide, liquide. Ah, il a dit la voix basse, lui. Hein. C'est incroyable. Sur la presse plus, c'était, bon, on voit, il n'y a pas de son dans celui-là. On voit un iPad avec un petit bouton que tu peux faire descendre le soleil et lever le niveau du lait, descendre, remonter le soleil et faire monter, descendre le niveau du lait en inversement proportionnel. C'est quand même drôle. Et la publicité imprimée, on voit comme un genre de générique de Star Wars, mais c'est un texte sur le lait sur un fond noir. Je pense que je préfère les deux autres versions que la publicité radio qui m'énerve un peu, évidemment. On reste dans le lait pour terminer avec un numéro blanc pour le magazine le magazine Coup de pouce, oui. Un numéro blanc inspiré par le lait. Les producteurs de lait du Québec choisissent la publication de Québécois Groupe Média pour une importante campagne de contenu natif. Afin de véhiculer sa nouvelle signature solide liquide, les producteurs de lait du Québec et ses agences de communication Touché et LG2 s'associent avec le magazine Coup de pouce autour d'un numéro blanc. Une campagne originale de contenu natif déployée à l'approche des fêtes. Le blanc sera omniprésent dans l'édition de Noël du Coup de pouce qui, pour l'occasion, présentera du contenu adapté à la thématique. C'est des maudits vendus, ça que ça veut dire. Les abonnés recevront une édition à la couverture presque entièrement blanche alors qu'elle sera ton sur ton pour le numéro offert en kiosque. Dans les deux cas, la une présentera un dessert alléchant accompagné d'un verre de lait à l'arrière-plan. Aussi, le lait sera l'aliment vedette de la section cuisine du magazine. En plus de certains espaces publicitaires, on le trouvera en ouverture de la section dans un pichet et comme ingrédient essentiel dans trois recettes. Finalement, à l'entrée de cette section, on découvrira un encart publicitaire avec un verre en découpe mettant le lait en évidence. Pour leur part, les sections style et maison de ce numéro comporteront chacune du contenu blanc dans leur page d'ouverture, de même que du contenu natif autour de cette thématique. Enfin, la couverture arrière du magazine sera entièrement occupée par une publicité de lait. Ça fait beaucoup de lait, mais en même temps, dans le coup de pouce, ils doivent mentionner le lait à tour de bras. Ouais, tout le temps. C'est ça, exact. Fait que ça fera pas changement. C'est pas comme un magazine qui aurait pas rapport avec le lait qui essaierait d'insérer le lait. Non, c'est ça. C'est ça. On va arrêter ici pour ce bloc pub. On va en faire un autre dans quelques instants, donc ne vous en faites pas. Pour l'instant, on prend une petite pause. Retour de la musique. Oui. Plus tard, David Ferron. Plus tard, Tania. Is gonna entertain you. Tout ça et plus. On va te laisser calmer ta voix. Merci, je vais essayer de prendre une autre pastille pendant la pause musicale. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. C'est l'Assemblage Rocky jusqu'à 9h30 en ce mardi 22 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, un autre minuscule bloc du bloc pub. Avant d'accueillir David Ferron et la chronique du journal Zone Campus, mais avant ça, on s'en va entendre une pièce musicale, Tania. Mais oui, ça fait quand même un petit bout qu'on ne l'a pas entendu, donc on va aller entendre Lydia Kepinski avec Apprendre à mentir. Je pourrais te dire de pas t'en faire, ils vont revenir. Mais je sais. Je pourrais te dire que t'es pas... Je pourrais te dire qu'on a toute la vie. rappelle avec le trou dans ton ventre. Le soleil reviendra entre tes jambes. Apprendre à mentir. Oh oui, on ne se regardait pas ce coup-là. Non, c'est vrai. C'est le moment de retourner à notre chronique qu'on était en train de faire tantôt, donc le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de Papa Biba. Oui. 4,99$ la minute. Elle nous aime. Merci Jojo. C'est donc le bloc pub qui continue. Et pourquoi ne pas jouer l'intro une deuxième fois, on aime toujours ça. Mm-hmm. On continue avec Cotex. Oui. Ça surprend de parler de Cotex en nom, hein? Mais non. Non, quand même pas. On dit de ne pas blâmer ses règles pour son comportement. C'est selon You par Cotex, le produit avec la boîte noire, là, avec le hashtag It's Not My Period. Donc une campagne par Kimberly Clark Corp. Pour le produit You by Cotex, c'est de donc défaire l'idée que les règles changent le comportement des femmes, comment ils disent les choses et qu'est-ce qu'ils disent. Ça t'a pas l'air d'accord. Il dit que les hommes ont un cycle hormonal très similaire à celui des femmes. La compagnie a commencé avec sa campagne hashtag It's Not My Period au Canada en septembre et l'a adapté pour l'Australie et pour l'Argentine ensuite. Ça pourrait arriver aux États-Unis bientôt, nous dit un porte-parole. Il n'y a pas de plan pour l'instant. La notion que les femmes agissent différemment ou disent des choses à cause de leur menstruation a une longue historique derrière. Ça a commencé avec une défense aux criminels en 1991, une défense qui avait réussi, où le syndrome prémenstruel aurait aidé une chirurgienne de la Virginie, ou comme le dit l'article, la Virginie, à se faire acquitter sur une accusation de conduite sous influence. Ainsi que d'autres cas aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, où les avocats ont cité les circonstances de femmes accusées de crimes violents en blâmant leurs règles. C'est aussi bien sûr au centre d'une chicane avec Donald Trump et l'animatrice de Fox News, Megyn Kelly, où Donald Trump avait dit qu'il avait du sang qui lui sortait de... ben, tu sais, peu importe, là. Et après ça, il avait dit que c'était de son nez. Ça a moins fait controverse en français au Québec, on dirait, que le reste de ce qu'il a dit, Donald Trump. Mais je me rappelle tellement cette phrase-là, du sang qui lui sort des... ben, tu sais... Tu comprends? Ben. En tout cas, donc on va écouter la campagne. Est-ce que tu l'as vu au Canada? Moi, je l'avais pas vu encore. Je l'avais pas vu, je suis en train de la regarder. On va la regarder ensemble, ouais, tiens, on aime ça regarder ensemble, comme à TV. Hein? Donc, on est dans un environnement avec une chaise et un bar. On a invité les gens à regarder. Oh, attends un peu, ça va pas trop vite. À regarder quoi? Une performance en direct. Oui. Et ensuite, on leur a posé une question très simple. Donc, les femmes entrent dans la pièce avec les divans, des hommes aussi. Ce qu'ils vont dire, c'est pas important. Ah non? Non. Good. We need to change our approach. Nous devons changer notre approche. We've been changing our approach. Nous changeons notre approche depuis les deux derniers mois. Ça ne fonctionne pas. What about Clarkson? The professor, didn't he skip town recently? N'a-t-il pas quitté la récemment? He's a dead end. How do you actually know that? Ça va pas avancer. C'est ça qui fait qu'il est important. There's something we're missing here. Otherwise, this guy would be convicted already. I'll track him down. Donc étant donné qu'il se met à crier, les gens se calment autour. Et là, les gens qui sont dans le public regardent. Et là, on leur pose la question, alors de cette scène, qui a ses règles selon vous? Oh, il y a les filles se posent la question. Les gars ont tous l'air de penser la même chose. La fille avec les cheveux, là. Les cheveux, puis le... C'est un... En tout cas, ils décrivent tous la même fille. Je pense qu'elle a l'air dit quoi faire. Il a une petite impression d'irrationalité. C'est qu'il était plus animé, plus fâché. On sait tous quand les autres ont leurs règles. Tu dis quelque chose et boum, pouf. Dans cette même scène, qui selon vous était le leader? Et là, évidemment, ils vont tous dire le gars. Hein, ça. That's an interesting question. Question intéressante. Dans cette pièce, définitivement, la même femme, un petit peu bitch, aurait peut-être probablement été la leader. Ah ben, OK, quand même. Bitches. Well, she was making very clear, concise, you know, ideas. Elle a des idées concises et claires. Mais t'as dit qu'elle était irrationnelle tantôt. Est-ce que tu crois qu'elle agit comme ça parce qu'elle est dans ses règles ou est-ce que c'est sa personnalité? Je dirais que c'est sa personnalité. Elle délègue, elle donne des instructions et elle le fait de façon plus passionnée. Oh, mais elle doit avoir ses règles. Qu'elle a raison, qu'elle ait tort, elle a vraiment beaucoup de passion. Bon, on comprend le principe de la chose. J'ai entendu des termes dérogatoires. Calme-toi. Est-ce que tu as besoin d'un tampon? On attend toujours ça, quand même. More pissed off at myself. Je suis plus fâché envers moi-même de ne pas m'être levé debout devant les commentaires comme cela. Le gars dit « Je m'excuse » à la femme. Bienvenue, merci. Bon. C'est mon opinion. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, sauf mes règles. C'est juste moi. Je suis moi-même et je ne m'excuserai pas. Vos règles ne vous définissent pas, vous le faites. You par contexte, bien sûr. Oui. Voilà, c'est mon courage, c'est mon ambition. Mais c'est là, ma passion. De là à dire. Que les règles font rien. Que les règles font absolument non, mais ça rien amplifie sur ton peut-être. Dérèglement hormonal, ouais. C'est pas vrai. Ça fait peut-être juste ressortir ce que tu penses vraiment, non? Ça fait juste. Ça fait hyper tes émotions. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est exactement ce que je viens juste de dire. Exactement. Voilà. Non, j'ai pas tort au pire. Donc, c'est on peut pas dire que d'avoir des règles, ça change absolument rien. Voilà. Parce que sur certaines femmes. Tout dépendant du moyen contraceptif, ouais. Ça peut avoir une très, très grande différence. Ouais. Et de toute façon, juste pour continuer dans le même domaine, les transgenres oui. qui deviennent femmes... Eux aussi, ils ont des... Eux aussi ont des, ouais. Des dérèglements et on le voit sur Facebook. Je veux dire, on en suit tous... peut-être pas tous, mais on en suit... Ouais. Certains en suivent, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et on voit les commentaires d'hormones passer. Puis là, tout le monde en dessous, c'est comme... Ouais, ben, tu sais, fille, faut t'apprendre à vivre avec. Exactement. Ah, ça vient avec... Ensuite, IKEA a construit une pièce dans un de ses magasins pour avoir l'air d'une maison endommagée en Syrie. Oh, OK. Wow, c'est une idée pour ramasser de l'argent avec la Croix-Rouge. Utilisation donc d'un magasin par IKEA pour amener la réalité de la crise en Syrie pour ceux qui sont enveloppés dans leur confort occidental, dont nous, hein, en plein milieu d'un centre d'achat ou d'un gros magasin IKEA. Tout le monde qui connaît un IKEA, bon, on sait de quoi ça a l'air. Hein? Mm-hmm. On suit les chemins puis des petites pièces préfabriquées. Mais une maison du IKEA de Splippenden... un excellent substitut pour le sucre. Oui, c'est vrai. Le magasin donc, principal de la compagnie en Norvège était assez inattendu. C'est une réplique d'une vraie maison en Syrie, 25 mètres carrés sur des blocs de ciment pour les murs et des meubles, entre guillemets, vraiment super cheap. Donc, des posters d'IKEA et des étiquettes de prix dans l'espace racontent l'histoire d'un combat familial pour les Syriens, dont le manque de nourriture, de médicaments, d'eau propre. Et les étiquettes de prix sont aussi une mention pour faire des dons. Parce qu'on essaie de ramasser de l'argent pour la Croix-Rouge et ça a été créé par l'agence Paul, P-O-L. La maison est une copie d'une vraie résidence. On est allé vraiment à Damascus pour copier l'intérieur de la maison. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'écouter la vidéo pour celle-là, probablement pas. L'installation était en direct devant public du 17 au 31 octobre, vue par 40 000 visiteurs de façon hebdomadaire. Et la campagne a ramassé 22 millions d'euros pour la Croix-Rouge en Syrie. Voilà. Est-ce que tu as regardé un petit peu la vidéo? Oui, c'est quand même triste. Triste, donc on se l'épargne ou on l'écoute? Ouais, c'est ça, on se l'épargne. Merci. Ensuite, Nissan a créé un bureau. On reste dans le domaine de recréer des choses. On a pris un bureau et on l'a rendu excessivement cool. En fait, c'est le contraire. On a pris une vanne électrique et on a fait un bureau dans la vanne. Oh, voilà, pour cool. que les nomades numériques puissent être encore plus libres. Voilà. Très cool. Donc, si vous êtes un freelancer, un pigiste qui aime l'environnement, qui aime voyager, Nissan a installé un bureau personnel à l'arrière d'une vanne électrique. Avec toutes les nécessités, chaise, bureau, Wi-Fi, station de recharge pour votre téléphone. Pardon. C'est le temps où Mathieu doit se racler la gorge une couple de fois. Une fois par chronique et après ça, ça passe. Haut-parleur Bluetooth, mini-frigo et une machine à espresso qui sort mécaniquement du comptoir comme un miracle des dieux. N'est-ce pas magnifique? C'est la firme de design, le studio de design, oui, Hardy of Lowe's, je crois qu'on prononce en Angleterre, qui a créé ce van, qui est une version améliorée du modèle ENV200 de Nissan avec un système d'éclairage contrôlé via une application, un toit de vitre et un vélo pliant à l'intérieur de la porte d'en arrière pour pouvoir partir avec votre moyen de transport secondaire. La plateforme de bois qui glisse à l'arrière, on appelle ça un deck pour relaxer. Donc, c'est vraiment comme fait pour t'étendre sur le bord de ta van. Et ça pourrait être, évidemment, considéré comme une planche pour faire partir les gens comme les pirates. Moi, je trouve ça très cool comme concept. Vraiment fort. C'est super si, joli. T'sais, si t'es, par exemple, quelqu'un qui est souvent sur la route parce que, je sais pas moi, tu travailles à contrat puis tu fais du vidéo. Un pigiste, comment on dit? Oui, exactement, un pigiste, exactement. Je trouve ça vraiment parfait. C'est sûr, c'est pas très, très grand. Là. Si il mouille, tu dois trouver le temps long. Mais le gars réussit à porter un chapeau de hipster oui, dans c'est le camion. Fait que ça doit être correct. C'est sérieux, vrai. Enlève ton chapeau. En tout cas, bref, le concept voilà, est utilitaire, mais en même temps, c'est vraiment cool, comme tu l'as dit. Et vous pouvez aller voir les détails sur assemblagerequis.com et c'est zéro émission. Il y a une machine à café, Mathieu. On peut pas passer à côté de ça. Comment dire le contraire? On peut-tu l'essayer, cette On devrait pouvoir la louer. on voulait pas se faire commanditer un char, c'est ouais, fou. Exactement. Un camion, c'est ça qu'on veut. Pour avoir un studio intérieur. Bref, bonne chance. Ensuite, les annonces classées. Est-ce que tu te sors d'annonces classées un peu? Ça rien à vendre, pourquoi. C'est ça? Aucune possession, t'es... Je vends pas mes choses, honnêtement. Ah, moi, je suis de même. Quand j'ai plus l'utilité, je devrais honnêtement penser à vendre oui. mes choses, mais c'est pas quelque chose que je fais. Est-ce que tu le gardes, tu t'en sers plus ou tu le donnes? Même pas de donner, ça dépend vraiment c'est quoi, tu mais... Tu jettes pas toujours? Ouais. Ah, non! Parce que bien souvent, je me dis... Je me sens mal, en fait, de vouloir donner ce qui fait plus mais donne une deuxième affaire. Vie à quelqu'un. C'est pas parce que toi, ça fait plus ton affaire que ça fait pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Je sais, à moins que mais soit déchiré ou j'ai sale. Pas ce réflexe-là de vouloir mettre à vendre certaines choses que je n'utilise pas. Je suis pas fier de toi, là. Tu sais, comme... Mettons un exemple. Mettons une bibliothèque, je sais ouais. pas. Là. Mais là, sur le bord du chemin, quelqu'un va apprendre, c'est ça. Ouais, mais je vais la mettre sur le bord du chemin. Je la mettrai pas sur Kijiji. C'est déjà mieux. La mettre sur le bord du chemin, ça lui donne une deuxième vie. C'est mieux que ouais. la jeter complètement. Ok, toi, tu veux c'est dire correct, la démolir? Ça. Oui, la démolir. Non, non, non, je serais genre à la mettre sur le bord du chemin. Ok, good. Mais, tu sais, j'irais pas la mettre sur Kijiji okay. ou peu importe. C'est correct. Ça, j'avoue que t'aurais sûrement pas beaucoup d'argent. T'aurais sûrement genre. Faudrait se la mettre gratuite sur Kijiji. C'est ça, exactement, quasiment. Bref, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est qu'il y a les packs aussi qui existent. Tu vois, on parle toujours de Kijiji en premier lieu, mais Pack a sorti une super campagne publicitaire que je trouve intelligente, moi, le gars qui aime les jeux de mots. C'est exactement mon genre. En fait, je suis vraiment triste de ne pas y avoir pensé. C'est la compagnie K72 qui présente la première campagne réalisée pour les packs depuis que l'agence a été sélectionnée par Mediagriff à la fin de l'été. Mm-hmm. L'opération met de l'avant les services de vente et d'achat automobile du site de petites annonces. Afin de démontrer l'éventail de véhicules proposés, l'initiative intègre le nom de l'annonceur dans le vocabulaire automobile. L'opération va être diffusée jusqu'à la fin de novembre sur le site de l'annonceur dans l'onglet automobile, à la télé, à la radio et sur le web. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment les publicités affichées. Par exemple, on va voir le mot décapotable, mais écrit « dépackotable ». Oh. Ça, c'est mon genre. Mm-hmm. Je me demande si les messages radio ont le même principe parce que je les écoute pas à l'avance pour être surpris comme vous. Hein. Genre. donc, voici le message de K72 pour les packs auto. Hey, mon gars, as-tu vu mon nouveau pack-up? Ah, pick-up, tu veux dire? C'est bon. Non, non, non. Pack-up. C'est très drôle. C'est quoi la différence? 15 000 piastres de moins. Les packs auto, la meilleure façon d'acheter une auto. Hey, je t'étudie. On a commencé à magasiner pour une mini paconnette. Une. Pardon? Mini paconnette. Une mini camionnette. Mini paconnette. Hein? C'est comme une mini camionnette, mais négociable. Les packs auto. La meilleure façon d'acheter une auto. Okay. Oh boy. C'est. Excuse-moi, mais je trouve que c'est du génie. Oui, c'est bon. C'est très bon. C'est vraiment adorable. Bref, allez voir, il y a des publicités vidéo aussi, je vous les épargne. Mais quand même, il y en a plusieurs. Et des publicités affichées comme Hatch Pack, Pack-up, dépacotable. Et c'est ce que j'ai vu. Ensuite, une animation québécoise pour Nestlé au Mexique. OK. Les studios québécois Pascal Blais et Caravane ont participé à la production et à la réalisation d'une campagne de Nestlé pour le Mexique. Le mandat était de démontrer les bienfaits du produit Nestlé Good Care OptiPro Supreme. Bâtard, pour vrai. Le produit s'appelle Nestlé Good Care OptiPro Supreme. Ben, tu veux que ça soit bon ou non? T'sais, wow, les adjectifs, hein? Dans le corps d'un nouveau-né, pour cette animation d'abord imaginée par Kun Chang, un des réalisateurs du studio Pascal Blais, qui signe la production de la pièce, Caravane devait assurer la direction artistique, puis créer un univers graphique représentant chaque organe du corps où la solution circule. L'idée était de présenter les différents éléments de façon ludique et amusante, tout en suivant une réaction à la chaîne, symbolisant l'action du produit à l'intérieur du corps, un peu comme un Rube Goldberg dont on a parlé tout à l'heure. Caravane a d'abord réalisé le design des morceaux principaux dans un logiciel 3D pour tester la faisabilité ainsi que l'allure et les couleurs de la machine conceptualisée par Kun Chang. La production s'est ensuite déroulée sur une période de 4 semaines axée sur l'essai-erreur, résultant une machine de plus de 8 pieds de haut et de 8 pieds de 8 pieds de haut et de pieds de large. Ah, OK. Et un peu plus de 12 pieds de long. Eh ben. Donc, on va regarder, entre guillemets, l'extrait ensemble pour Nestlé Good Care Optimo Supreme Premium Plus sans plomb. Je tiens à dire, si tu veux décrire ce qui se passe, ça va être très difficile. OK, là, attends un peu. Est-ce que tu me donnes le défi? Parce qu'à date, je suis quand même pas si pire pour décrire. Là. Oui, mais ça va être très, très difficile parce que ça accélère au fur et à mesure que la vidéo continue. On l'essaye. Go! Un pot de Good Care Optimum Premium Plus sans plomb fait tomber un paquet de genre de morceaux de plastique qui pousse vers une bille qui ressemble à une lime, qui descend dans une bouche, qui passe dans des tuyaux, des tubes qui descendent sur un xylophone, qui font pousser une voiture, qui descend une bille sur une ligne, qui pousse un char, qui pousse un canard, qui fait descendre de l'eau dans un bain. L'eau remplit le bain, fait avancer un petit bateau qui fait descendre des blocs. Les blocs font monter un objet, un petit bonhomme, qui pousse un autre pot de Good Care Optimum Premium Plus sans plomb, qui fait pousser une bille, qui fait pousser un tube, qui fait battre un gant, une batterie par un mécanisme, qui fait descendre une bille, la bille descend sur le cœur fait monter le cœur, l'autre truc fait monter le cœur, qui fait tourner des oiseaux autour d'un carrousel, qui pousse une bille, qui fait avancer un voilier avec des trucs, tu sais, pour faire tourner le vent, tu sais, uh-huh. Ouais. Ensuite, la bille continue, elle lève dans les airs avec une pression de vent. Plusieurs billes montent dans les airs, un bonhomme descend. Les montgolfières s'envolent, passent à travers un trou. La nuit tombe. Une autre canne pousse une voiture. La voiture descend, actionne un mécanisme qui pousse une batterie. Un train qui avance, qui pousse une autre canne. Et là, on est rendu comme avec des lumières néons. La lumière se rallume. Plusieurs billes tombent dans des jambes. Le plan se ramène pour montrer que c'était une tête, un corps et des jambes. Un pot s'approche. Good Care Opti Pro. Premium plus super premium. 150 ans Nestlé. Voilà. C'est que chaque segment, oui? Parce qu'on peut tous les différencier selon des segments, mm-hmm. représente une partie du corps d'un enfant. Et voilà. C'est ce qu'on comprend pas jusqu'avant la fin du vidéo. Où le plan se rapproche. Et voilà. Voilà. Tu me donnerais combien sur 10 pour cette description? Ben écoute, si on écoutait ce que tu disais, c'était pas bébé plus hey! Clair. Hey, t'es pas assez visuel dans la vie. Toi, t'es très auditive, hein? Non, je suis très visuel, en fait. OK, parce que moi aussi, je suis très visuel, puis j'aurais compris ça. T'aurais compris que ça représentait un corps, mais en non, mais ça a été dit à la fin. À la fin. Ben, je l'ai dit, le plan se rapproche pour révéler le corps oui, de l'enfant. Oui, exactement. C'est ça? Mais si tu fais juste écouter ce que tu ouais, dis, mais tu même sais pas ce qui se passe. Ouais, mais ce que tu comprends pas, c'est que même en regardant la vidéo, t'étais pas supposé savoir que c'était un corps avant la fin. Fait ben c'est ça le but. Tu t'en doutes parce que tu sais que c'est pour la santé d'un enfant. Mais tu sais pas parce que ça le dit pas au début. Parce que moi, je l'ai raconté dans l'article avant. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais, mais quelqu'un qui regarde la pub a pas lu l'article. Non, mais tu vois le yogourt au début? Ouais, mais c'est pas mal. Il n'y a pas de bébé dessus. Il n'y a pas de bébé dessus. Tu te rends compte, en tout cas, que c'est pour la santé de ton corps à cause du nom. Peut-être. Ça se voit sur les billes là, que tu décrivais. Ouais. C'est écrit Nesté, Good Care, blablabla, ouais, dessus. Ouais, ouais, exact. Donc, à cause de ça, tu te rends compte que ça va avoir rapport avec un certain système. Probablement à cause du logo Good Care. Exact. Mais je l'ai mentionné à l'oral, le logo Good Care, Tania. C'est ça. On ne se calera pas plus longtemps. Mais non. Est-ce que tu veux troller des trolls à la Donald Trump? Quoi? Troller des trolls? Non. Un tweet à la fois. Bleu, blanc, rouge dévoile Troll Troller, une extension Chrome, afin de contrecarrer les trolls présents sur Twitter. Bleu, blanc, rouge s'attaque aux problèmes récurrents que représente le harcèlement social, le trolling, en créant une extension Chrome pour Twitter qui permet aux utilisateurs de répondre aux trolls sans violence verbale. Je cite, nous ne voulions pas simplement créer un film qui ferait rire les publicitaires. Nous nous efforçons de concevoir des solutions créatives branchées sur les courants de société dont l'impact dépasse le marketing. Le trollage peut toucher n'importe qui du jour au lendemain et notre outil permet aux victimes de détourner les agressions. Il s'inscrit dans notre volonté de faire du marketing à valeur utilitaire. Bleu, blanc, rouge tenait Mordicus à présenter une solution au trollage qui permettrait de ne pas stimuler les trolls en leur répondant de façon agressive. L'extension suggère donc 4 détournements pacifiques pour y parvenir. Soit partager un rêve absurde et interminable, recourir à des refrains de chansons populaires, répliqués par des énigmes sans réponse et désarçonner avec des citations de films de trolls. En créant un outil pour troller les trolls, nous espérons leur faire prendre conscience que leur anonymat ne leur permet pas de harceler qui ils veulent sans conséquence. Évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les trolls, c'est ceux qui vont sur Internet juste pour chialer. Mm-hmm. Genre dire oh, « on comprenait pas que c'était par rapport à un corps de bébé. » Voilà. C'est tout! Pour le Black Pub, on a fait beaucoup trop, je sais. Je le fais pas souvent, ce bloc-là, qu'est-ce que tu veux? Ça va. Ça me punk, puis je le fais pendant une heure. Non. Correct. Les on te pardonne. Merci. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour voir tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses visuelles là-dedans. On prend une pause au retour. David Ferron va être là. On vient de recevoir notre copie. Ben oui. Notre copie PDF. C'est un avant-goût, ça. C'est vrai. C'est même pas le vrai journal. Non, non, non. Bref, on revient dans deux minutes à Assemblage Requiescat. Aujourd'hui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, David Perron va arriver avec la chronique Zone Campus. Mais Mathieu, avant ça, on va aller écouter de la musique. Oui, c'est The Pretty Reckless qui est de retour enfin. Oh. Voici Oh My God. Oh my God. That's amazing. Pretty Reckless, c'est la pièce Oh My God. C'est Taylor Momsen, son nom. Hein? Oui, exactement, Taylor ouais. Momsen. C'est la fille de... Gossip Girl. Gossip Girl. Ouais. Bref, maintenant, hey, on appelle la... Hey, C'est quel drôle d'adon, sérieux. Tu sais, Gossip Girl, c'était comme une fille qui avait un blog, je sais pas trop quoi. Là, genre. Oui, oui, oui. Elle écrivait des rumeurs. Puis là, les rumeurs se confirmaient. Mais David, lui, tout ce qu'il dit, c'est tout le temps vrai. Parce que... C'est le rédacteur en chef du... Zone Campus. Oh. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. C'est comme la gifle qu'on veut donner à David. Hey, travail d'équipe pour cette introduction-là. Bravo à toute l'équipe. Donc, David Ferron, qui est rédacteur en chef du journal Zone Campus, qu'on accueille. Bonjour à toi. Et qu'on a envie de gifler. Ben, c'est comme ça. Non, mais tu sais, il faut le dire. Il faut se dire les vraies affaires. David, qui est là pour nous parler du plus récent numéro, qui est le numéro 5 en kiosque à partir d'aujourd'hui même, qui, en couverture, accueille l'univers de Chloé Robichaud. On en parlera rendu en art et spectacle. Mm-hmm. On commence en actualité avec la Semaine québécoise de l'orientation. Confiance et force sont au rendez-vous. Oui, exactement, parce que durant la semaine du 7, j'ai vraiment l'impression de que Léonard Cohen s'est transmis dans mes cordes vocales. Ah, faut dire en parenthèse que tu nous as tous donné un rhume et que là, t'as comme un relent. Là, t'es fâché parce qu'on te l'a redonné. Hey, c'est tout ce que tu mérites. Puis vous êtes top shape. Non, on n'est pas top shape du tout. Fais-nous confiance. Exact. J'espère que non. Tu sais, t'as jamais entendu l'expression quand on crache dans les airs, ça nous retombe sur le nez. Et t'as clairement pas entendu le début de l'émission où j'arrêtais pas de tousser. Hein? Malheureusement, non. Bref, Semaine québécoise de l'orientation, parle-nous-en donc. Hey, il y a de l'amour dans l'air. On s'aime fort. Mais donc, oui, pour la chronique, en fait, pour l'article, c'est écrit par Caroline Bodin, et c'est que de la semaine du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2016, il y a eu le Conseil de l'orientation qui a organisé des activités concernant la Semaine de l'orientation. Et là, le thème, c'était bâtir sa confiance, croire en ses forces et l'objectif, parce qu'il y avait notamment une conférence, et c'est surtout sur la conférence que Caroline s'attarde. L'objectif, c'était de bâtir la confiance en soi et en ses capacités, mais aussi à identifier et développer ses forces. Ouais. Et parmi les activités, il y avait une capsule ici même assez fou sur nos ondes. Mm-hmm. Oui. Puis un kiosque. Puis un kiosque, oui. Ben, ouais. Secondairement, il y avait aussi accessoirement un kiosque. Le mot de la rédaction. Oui. Tu commençais avec un statut Facebook, là. Il neige. Oui, exactement. Pour tous ceux et celles qui s'excitent devant la neige et qui marquent ça sur Facebook, bien, je le dédie, mais c'est surtout une introduction pour vous sensibiliser à quelque chose d'assez important parce que à chaque fin de session, il y a plusieurs étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Et d'ailleurs, la GQTR, c'est le Bon Camarade qui est un organisme communautaire en collaboration avec la GQTR qui organise des paniers. Donc, ça a commencé hier et ça se termine le 8 décembre. Et s'il vous plaît, donnez dès que vous pouvez donner. Puis c'est pas obligé d'être un restant de canne de poids, là. Ben, en fait, ça va être refusé, c'est un restant de canne. Oui, exactement. On refuse. C'est un restant de quelque chose, s'il vous plaît. Faut que la canne soit fermée. Ouais. Ensuite, la conférence, l'Église face à Duplessis, des résultats étonnants. Oui, exactement, parce que c'est en fait Alexandre Dumas qui est chargé de cours à l'UQTR et qui a fait un doctorat sur les relations entre l'Église et Duplessis, parce qu'on pense souvent que l'Église et Duplessis, en fait, Maurice Duplessis, l'ancien premier ministre, c'était l'amour fou, le mariage parfait. Mais là, il apporte des petites nuances. Donc, c'est une conférence qui avait lieu le 11 novembre dernier et qui était, organisée par Appartenance Mauricie. OK. La Commission scolaire de l'énergie et l'UQTR comprend les médias sociaux chez les jeunes. Oui, exactement, parce que c'est une collaboration entre les deux organismes et ce partenariat-là, ça a permis à l'étudiant Guillaume Bouchard de donner une conférence sur le rapport des médias sociaux de la part des enfants et des parents. Comment les parents peuvent aborder les médias sociaux avec leurs enfants. Donc, par exemple, il y a une personne qui est préoccupée par ça. Donc, mon enfant va être aimé avec sa tante, mais je ne veux pas qu'elle voie les niaiseries qu'elle publie. Donc, Guillaume Bouchard apportait notamment des solutions et expliquait comment on peut permettre à nos enfants d'établir une relation saine avec Facebook. Ne lui fais pas de Facebook. À ton jeune, ouais. Ça te prend une âge particulière pour pouvoir avoir accès à Facebook. Les autres font tous semblant. Mais pas exactement. Juste Facebook, mais les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais en même temps, tu sais, ils veulent être à la mode. Comme les autres, c'est ça. Sinon, t'es rejet, t'as pas de Facebook. Yo, man, tout le monde en a un Facebook. Romance, c'est wax and chill, man. Tu sais, comme, laisse-moi faire. Yo. Ils disent tout ça. J'ai dit non. Ils disent yo tellement. Avez-vous vu la vidéo? Dans ta chambre. Avez-vous vu la vidéo? du gars qui grimpe dans un poteau d'électricité, genre. Pis là, son ami est en bas en train de filmer, pis il dit yo, man, tu vas mourir! Yo, yo, man, tu vas mourir! Yo, c'est pas correct, c'est dangereux! Yo! Je te dis, il dit c'est yo, caricatural un peu. Mais c'est vraiment une vraie vidéo. Ah, c'est une vraie vidéo, ok. Oui, oui. Okay. C'est incroyable! Dans la potio. Comment? Il était pris dans le potio. Je vais passer à autre chose. Oui! À l'association Éclosion qui envoie des étudiants en mission humanitaire. Oui, exactement. Donc, oui. Éclosion. Ouais. On dirait que j'ai comme mon rhume que vous m'avez retransmis. Donc, oui, par la monnaie de ta pièce. Mais en fait, Marie Labrosse a écrit un article sur l'organisme Éclosion. Éclosion, c'est un organisme de l'UQTR qui organise des stages humanitaires de la part des étudiants. Et là, cette année, c'est le 10e anniversaire. Et en 10 ans, il y a 272 étudiants de l'UQTR qui ont pris part à un projet communautaire partout dans le monde. On encourage ça, ben oui. Ben oui. Ensuite, place à la relève au CEIDEF. On essaie de comprendre le fonctionnement psychique des agresseurs sexuels. Oui, exactement. Donc, c'était une conférence qui a eu lieu lundi, le 14 novembre dernier, au pavillon Michel Sarrazin. Et ça, c'est toujours dans le cadre du projet Place à la relève où on met, en fait, une étudiante ou un étudiant en vedette comme conférencière. Et là, c'était Josiane Leclerc qui nous parlait de ses recherches concernant la compréhension des mécanismes psychologiques des agresseurs sexuels. Ouf. Un sujet lourd, mais quand même. En éditorial maintenant, c'est Samuel Pedro Beauchemin avec sa chronique « L'humain approximatif ». Et son titre, c'est c'est assez intriguant quand même. Moi, je suis pas au courant des nouvelles québécoises, fait que tu sais, il va falloir que tu m'expliques un petit peu. Madame Bombardier reposée en plèbe. Oui, exactement. Donc, il m'avait expliqué c'est quoi ça voulait dire reposer en plèbe. Je me rappelle plus malheureusement, mais il y a comme un contexte. Mais en fait, c'est surtout un prétexte pour parler de la scène de la relève musicale, mais évidemment, et de la scène locale. Comme là, par exemple, il va parler des soirées cachées sous fond un petit peu, la taverne à Saint-Casimir, qui, une petite parenthèse, elle est là. À Saint-Casimir? Oui. Ça vaut la peine, il y a des bons shows là, puis c'est vraiment un très beau lieu avec de l'excellente bière. Super. On va en société maintenant. Si jamais vous voulez une certaine définition du mot plèbe, en fait, c'est une partie du peuple, c'est-à-dire les citoyens romains, mais qui étaient à l'époque les esclaves. La plèbe. Oui, voilà, mais là, il y a une expression, c'est ça, rester en plèbe, c'est l'expression en tant que telle. L'expression en tant que telle, malheureusement, elle n'est pas encore définie sur le monde Internet. C'est pas grave. On va passer quand même en société avec Tania qui nous transporte jusque-là. Eh bien oui, c'est Gwendoline Lebeaumain en fait qui nous parle d'une conférence qui a eu lieu à Marrakech au Maroc du 7 au 18 novembre dernier. Pas nécessairement une conférence, mais un regroupement, c'est-à-dire la conférence des parties sur les problèmes de santé de notre planète. Oui, en fait, ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais on parle du traité de Paris. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça a été signé l'année passée justement dans la 21e conférence des parties. Là, cette année, c'est la suite de ça, ce qui a permis l'accord de Paris. Donc, c'est la 22e édition. Et là, c'est l'amorce, en fait, pour parler des préoccupations environnementales de Gwendoline. Et aussi, on sait que Trump, c'est quelqu'un de très, très écologique. Ben oui. Écologiste. Oui. Donc, elle parle de ça aussi. Elle parle aussi de ce qui se passe en Inde. Parce qu'en Inde, par exemple, il y a 2000 écoles qui ont dû fermer à cause, de la pollution atmosphérique. Donc, tout, en fait, c'est un topo par rapport à l'environnement. Par la suite, on a Kevin Gaudreau dans sa chronique « Entre les deux pôles » qui nous parle de présentation générale des substances psychoactives. Oui, donc ça, que ce soit les drogues, l'alcool, tabac, tout ce qui peut créer une dépendance, il explique ça en catégories, quel type de dépendance que ça peut amener, les sous-catégories et les conséquences que ça peut apporter. Quand on parle de chronique, on parle aussi de la chronique sexuelle, la petite vite. Séduction chimique, on parle d'odeur au centre du désir sexuel. Oui, en fait, Marie-Ange Perrault, parce que c'est elle qui a écrit la chronique cette semaine. Oui, donc, en alternance avec Anthony Morin à chaque parution. Oui, exactement. Donc, elle parle notamment des phéromones, ces espèces de hormones d'odeur qui font en sorte que tu es attiré sexuellement par quelqu'un. Mais tu ne le sens pas. Non, c'est ça. C'est comme une odeur assez particulière, mais elle parle aussi d'autres odeurs corporelles aussi. C'est vraiment intéressant comment l'odeur et les hormones, ça peut influencer dans nos attirances. Ça peut repousser facilement. Ça peut aussi. Ah, c'est ça. Mais là, elle parle de l'attirance. OK. Jean-François Veilleux nous parle de sa chronique « Je me souviens au pouvoir citoyen ». C'est la suite de la dernière parution, c'est-à-dire « Ensemble sur le dos de la même tortue ». Pas en fait la suite de la dernière parution, c'est surtout en fait par rapport à, je pense, il y a 2 ans. Il y a deux ans, OK. Donc, ou 1 an, mais ça fait un certain temps. Donc, le lien va être sur le blog pour ceux que ça intéresse. Là. Oui, on l'a pas mis dans le journal. Mais c'est quand même indiqué que c'est la suite d'un article qui a déjà été fait. Oui, oui, exactement. Et là, il explique en fait... le rapport des Autochtones par rapport au gouvernement notamment, l'association des Autochtones aussi, l'importance de réhabiliter en fait les diverses populations autochtones. Ouais. Alors ensuite, on va en art et spectacle avec l'UQTR qui accueille l'univers de Chloé Robichaud. Ça a fait la une, donc c'est une réalisatrice de renom qui était sur le campus récemment. Oui, qui a quand même été 3 fois à Cannes. Oui. Mm-hmm. Donc notamment avec son film « Sarah préfère la course ». Et là, c'était une conférence vraiment très intéressante qui est animée par Alexandre Laramé-Zwicky. Notre collègue et ami. Ben oui. Mm-hmm. Donc, ce qui est arrivé en fait de la formule, c'était un peu comme classe de maths. C'est un Q&A, mm-hmm. donc question and answer. Donc, Alexandre posait des questions, Chloé, Madame Robichaud répondait aux questions. Ouais, c'est pas si proche d'elle en appelant Chloé. Clo-clo, tant que mais on était vraiment à proximité, en fait. C'est ça, ce qui était le fun, parce qu'on était une 20aine dans l'atrium, mais c'était vraiment bien, c'était convivial. Madame Robichaud invitait les gens à lui poser des questions durant son allocution, puis ça parle de son parcours, de son dernier film qui s'appelle « Pays aussi », les conditions de tournage aussi, parce que c'était tourné dans une île de Terre-Neuve, l'île de Bosco. Non, c'est pas vrai. Bosco, ça, c'est dans le film que ça s'appelle Okay. Donc, c'est un faux nom dans le film, quoi? Oui, exactement, parce que c'est une île imaginaire dans le film. Mais vraiment, c'est... En fait, vous allez pouvoir voir la page couverture et c'est justement Madame Robichaud qui tourne à l'île Bosco. Voilà. Bosco dans le film. Ensuite, Plants and Animals, le groupe de musique qui était au Satire Cabaret Spectacle le 4 novembre dernier. Oui, exactement. Donc, c'était le retour de Plants and Animals parce qu'ils ont sorti un album en 2012 qui s'appelle The End of That. Mais là, ils ont sorti un autre album récemment et ils en font la promotion. Mm-hmm. Ils se sont arrêtés à Trois-Rivières. On écoutera tantôt du Plants and Animals. Après ça, une critique, un compte-rendu du livre « Solitude, délire, fuite et autres petits plaisirs coupables » de Samuel Sénécal. Oui, exactement. Donc, Samuel Sénécal qui puise dans son expérience d'enseignant pour raconter l'histoire de 2 adolescents et d'un conseiller en orientation. En théâtre, j'ai complètement sauté par le sujet de cet article-là, je m'excuse. Théâtre des Nouveaux Compagnons qui présente la pièce « Fragments de mensonges inutiles ». Oui, exactement. Ça, c'est une pièce qui a été écrite par Michel Tremblay. Et là, cette fois-ci, pour le Théâtre des Nouveaux Compagnons, c'était mise en scène par Guylaine Pruneau. Et ça raconte, en fait, l'histoire de 2 adolescents homosexuels, ici de 2 époques, et qui se rencontrent. Comme Roméo et Roméo. Oui, exactement. Causerie littéraire à la librairie L'Excèdre, je crois qu'on doit dire, de l'élite vers le populaire. Oui, exactement. Donc ça, c'est en fait une rencontre qui a mis en vedette la Société des 10. La Société des 10, ça, c'est 10 experts ou amateurs d'histoire qui se réunissent. Et depuis, en fait, 1935, la Société des 10 existe. Et à chaque année ou à toutes les 2 ans, ils publient un cahier qui s'appelle le cahier des 10. Les cahiers des 10. Performance au Centre d'art des Récollets, missive d'automne. La prestation s'appelait « Jardin de lettres oubliées ». Oui, exactement. Donc ça, ça a été, en fait, la comédienne et enseignante Diane André-Bouchard qui a lu des lettres qu'elle recueille depuis 1969. Et ça, c'était à l'église des Récollets. En fait, c'était au Centre d'art des Récollets Saint-James, lorsque c'est près de l'église Saint-James. Et il paraîtrait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Cool. Curé B, des amis ici, on les a déjà eus en entrevue, Curé B qui était au Zénob récemment. Oui, puis ça a l'air que c'était leur premier spectacle. Ah, leur premier vrai show devant public. Oui, exactement. Super. Mais en fait, c'est ça, Curé B, si vous connaissez pas, c'est quoi? Si vous trouvez que Bernard Adamus, c'est cru. Curé B, c'est Bernard Adamus à côté, c'est quasiment des chansons de Walt Disney. Là. Wow, donc il pourrait s'appeler Cru et B. Ouais. Chronique des citoyennes du monde, c'est la chronique d'Alassania Couilly, qui chronique ici à l'émission aussi, mais dans le journal avec une autre thématique. Elle parle d'art dans le monde. Oui, exactement. Et là, elle va... Là, on reste au Québec, plus particulièrement à cette île, parce que, petit topo, Alassania a été là pendant une semaine pour... le projet Savoir à faire, dont elle a gagné un prix. Oui, félicitations. Ben oui, donc pour tourisme. Donc elle devait monter un projet et c'était en tourisme. Et là, pendant ce temps-là, bien, elle a eu un peu de temps pour s'intéresser à l'art Innu, qui est mis en valeur à cette île. Donc, elle parle de cet art-là qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé. Inoubliable, comme on dit. Oui. Ah bon, là, ça, c'était mon oncle rare comme jeu de moi. C'était vraiment très mon. Bref, on termine avec un vernissage à la galerie R3. Une sommité de la peinture était à l'UQTR. Oui, c'était Marcel Jean qui a gradué des écoles, en fait, qui a gradué de l'école des beaux-arts en 1960 et qui a apporté beaucoup au niveau des arts visuels, mais aussi en enseignement aussi. Mm-hmm. Donc, c'est en fait quelqu'un d'une grande valeur qui est venu à la galerie R3 pour exposer son art. Super! Ensuite, on va en sport. Oui. Eh bien, oui, on retrouve Étienne Campeau du côté des sports, cette fois-ci, avec la première édition de la Semaine de la santé par l'activité physique. Oui, exactement. Ça, c'est une semaine qui a lieu dans le cours de l'UQTR, mais aussi dans le pavillon d'enseignement de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et ça, en fait, ça a lieu également du 7 au 11 novembre dernier. C'était à chaque midi, différents conférenciers qui donnaient une conférence sur la santé, que ce soit sur la prise de poids, sur l'alimentation, sur la gestion aussi, de comment mieux s'alimenter quand on est un étudiant. Parce qu'il paraîtrait que 60% des étudiants prennent du poids à l'entrée à l'université. Probablement, ça, c'est à cause que la bière est pas chère. Oui. Un patriote natation et volleyball féminin, on a quand même des débuts de saison très, très prometteurs. Oui, donc notamment le volleyball qui ont gagné 3 matchs de suite dans une compétition rafale il y a quelques semaines. Et là, on apprend aussi que les effectifs ont augmenté aussi. Natation passe de 9 à 14 athlètes. Ah. Et pour le volleyball, il y a une équipe de 14 filles. Au lieu de 12. Ah, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que c'est très en demande et que habituellement, quand tu vas être dans une équipe, c'est parce que l'équipe est bonne. Tout à fait. Il y a Caroline Fillion aussi que l'on retrouve qui nous parle des Patriots hockey. Une victoire et une défaite pour nos Pats. Oui, ça, c'était durant la fin de semaine du 11 et 12 novembre dernier et les deux matchs ont été joués en Ontario. Le premier match, c'était contre les Lions de l'Université York et l'autre contre les Badgers de l'Université Brock, mais le match contre les Badgers, ça a permis d'avoir le premier match d'une série de 3 victoires. Et là, c'est 6 contre 2. Mm-hmm. Oh. Tout à fait. Certains de nos joueurs, justement, du côté de l'équipe d'hockey, fait parler. Entre autres, on parle de Asselin et Giroux qui atteignent des sommets. Oui, parce que là, on retourne au match des 18 et 19 novembre dernier. Et ces matchs-là ont permis à Asselin d'être au deuxième rang des joueurs de l'Est, en fait, la division de l'Est des sports universitaires de l'Ontario et Tommy Giroux qui accumule 100 points depuis qu'il est au Patriotes. Oui, deux très bons joueurs. Du côté aussi d'une athlète féminine, eh bien, c'est le profil de joueur de Laurie Simard qu'on retrouve dans Zone Campus cette semaine. Oui, exactement. Donc, Laurie Simard qui était au volleyball de l'UQTR en 2014, mais qui a dû prendre une sabbatique d'un an, notamment à cause d'un stage, et qui est de retour cette année. Donc, s'adresse Étienne Campeau, dresse le portrait de Laurie Simard. Et on parle aussi d'une exposition quand même qui sort un petit peu de l'ordinaire à la Bibliothèque Roi Dénommé. On parle de l'histoire des Patriotes de l'UQTR. Oui, exactement. Donc ça, c'est en fait, ça fait partie d'une autre exposition aussi. Mais de quoi que ça parle, c'est que ça recueille des objets ayant rapport avec le parcours des Patriotes. Et ça, vous pouvez voir ça jusqu'à la fin décembre. C'est... Pour ceux qui se demandent, c'est où la bibliothèque Roi Dénommé, c'est la grosse bibliothèque de l'UQTR. Ils ont changé le nom à cause d'un hommage. Oui. Et en passant, Colin, cet article-là est tellement mêlant, tu sais pas si c'est en art et spectacle ou en sport, il aurait fallu avoir une page sport et spectacle. Oh. Ben, en effet, parce que c'est sûr que c'est l'exposition, mais pourquoi pas les domaines peuvent se croiser, tu sais. Ben oui. Mais c'est possible aussi pour ceux qui sont à Drummondville de visiter la même exposition dans leur bibliothèque qui est Desjardins. En fait, pas tout à fait, parce que l'exposition des Patriotes a déjà lieu à Drummondville. Là, c'est une autre exposition qui s'appelle Les années Gadget. OK. Qui est en fait en collaboration avec le Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières et ça permet en fait de découvrir, si vous êtes nostalgique de votre enfance, vous êtes né dans les années 70, 80, 90, vous allez voir le cube Rubik ou encore le Tamagotchi. Wow! Oh mon Dieu, le Tamagotchi! Je savais pas qu'on pouvait considérer le cube Rubik comme un gadget. Moi mais non plus. Bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé l'exposition de hockey à Drummondville en premier, qu'ils ont transporté ici et après ça, maintenant, c'est rendu des gadgets là-bas puis sûrement plus tard, ça va être des gadgets ici aussi. Ah, peut-être. Allons voir. C'est quand même le fun qui profite des deux campus. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'était les sports et c'est tout pour le journal Zone Campus. qu'on retrouve en kiosque à partir d'aujourd'hui. C'est toujours le mardi aux deux semaines. Ça sort en début, maintenant, d'avant-midi. C'est pas mal le rendu de bonheur, cette histoire-là. Ça passe à partir de peut-être genre 10 heures. Et ça va jusqu'au 5 décembre. C'est le numéro 5 du volume 12. Toujours disponible en kiosque sur le campus de l'UQTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et David Ferron est le directeur général, rédacteur en chef et... homme à tout faire de ton campus. Ben non, en fait, c'est un travail d'équipe. Ben oui, mais si t'étais pas là, Mathieu, je serais foutu malgré que tu me transmets la grippe. Tu me transmets la grippe et je te la retransmets parce qu'elle était sur une base d'emprunt. Mathieu et moi, on aime beaucoup se partager des trucs. Oui, c'est ça. Louche, très louche. C'est inapproprié pour le matin et n'importe quelle heure de la journée. Donc, David Ferron, on va se quitter avec deux pièces pour illustrer un peu ta chronique. Tu nous as choisi deux groupes qui sont présents dans un campus en art et spectacle. Ben oui, exactement. Là, c'est deux styles complètement différents. On va avoir le côté cru de Curé B avec la pièce Tel père, tel fils, et après ça, ça va être... en fait, je me rappelle jamais de la Light Show. Light Show, ouais, c'est ça. Je dis tout le temps Light Down, mais ça n'a pas rapport. C'est Light Show de Plants and Animals, et ça, c'est un nom, c'est plus accessible, disons. Ouais. Ben justement, on va commencer par Curé B, et après ça, ce sera Plants and Animals. Merci, David! Ben, merci beaucoup! Me disait souvent, mon gars, occupe-toi de ta main pis ton frère si je reviens pas. Et puis si arrivé un jour, j'ai compris quand j'ai vu les chars de cop d'un coup. J'ai tout fait ce qu'il m'a dit, caché chacune des preuves de ses délits. On est embarqué dans le pick-up Dracula, parti sa cause, aller se cacher quelque part dans le bois. More.

C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Oui. Tania Baudin! Oui! Tu parles, il me semble, d'hiver, il fait froid, quelque chose? Oui, en effet, ben, il commence à faire froid, la neige s'accumule, ce qui veut dire que nos activités d'été sont pas mal terminées. Ben oui, il faudrait commencer peut-être à changer d'idée. Et j'ai quelques idées loufoques pour vous, loufoques. C'est encore drôle parce que ça peut être très, très cool. Mais je suis pas du genre, moi, personnellement, à faire des activités d'hiver, à part le patin à glace, parce que j'aime pas l'hiver. Oui, tu sais, le ski, j'ai jamais appris à skier. Ma famille n'était pas une famille de skieurs. Du snowboard, j'ai beaucoup trop peur de me casser tous les membres du corps. Pareil. Donc, de ce côté-là, trouver des activités qui semblent quand même assez cool pour l'hiver, ça peut être parfois difficile. Alors, j'ai quelques idées pour vous ce matin. Et Mathieu, je vais te poser la première question. Est-ce que tu sais ce qu'est une via ferrata? J'ai déjà entendu le nom, mais non, je me suis toujours demandé, en fait, qu'est-ce que c'était, ouais. Eh bien, en fait, c'est une activité que l'on peut faire ici même au Québec, et c'est une première au monde. C'est la première via ferrata hivernale sur câble continu. Ouh. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Ben, c'est, en fait, c'est comme une grosse traversée, c'est comme une grosse randonnée qui, justement, comprend la randonnée, l'escalade, la traversée aussi de câbles dans les airs. Mais surtout, inquiétez-vous pas, c'est super sécuritaire. Vous êtes attaché, vous êtes aussi avec un guide. Et tout ça se passe à quelques minutes de Québec, à environ 30 minutes de Québec, au Canyon Sainte-Anne. Donc, si jamais vous voulez, vous faites une petite recherche. Il y a plusieurs forfaits qui sont disponibles. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça vous prend pour pratiquer cette activité-là? Bien, c'est super facile. En fait, vous avez besoin de bottes de marche quand même assez chaudes, donc des bottes d'hiver de marche chaudes, des mitaines doublées, là, on s'entend, il fait froid si vous faites ça, un bon manteau chaud, un snack, une bouteille d'eau, un sac à dos et bien évidemment, un appareil photo parce que vous voulez prendre des photos de ce que vous allez voir. C'est quand même hallucinant. Vous allez passer par-dessus certaines chutes, vous allez pouvoir voir des montagnes de soit très près ou encore avec une bonne vue pour pouvoir prendre des photos. Vu que c'est dans le coin de Québec, au Canyon Sainte-Anne, ça va vous faire découvrir un petit peu des paysages québécois qu'on s'attendait pas, tout simplement. Et tu peux traverser aussi des ponts et admirer, comme je le disais, les chutes et te balader à proximité de la rivière Sainte-Anne, ce qui est une activité qu'on voit pas nécessairement tout le temps, parce que justement, c'est comme une première un petit peu partout de pouvoir le faire sur câble continu. C'est une première au monde. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur, mais comme je le disais, c'est sécuritaire. Tout ce que ça te prend, en fait, c'est du guts. un ami qui veut le faire avec toi, tu peux le faire très bien tout seul, mais si vous faites ça à deux, c'est une activité qui se fait très, très bien aussi à deux ou à plusieurs. Si vous êtes, je sais pas moi, une gang d'amis qui trippent sur l'escalade ou sur la randonnée, bien, vous y allez en gang et vous pouvez juste, vous pouvez aussi vous rendre à faire de la tyrolienne avec tout ça. Donc, vous pouvez faire de la tyrolienne hivernale au même endroit, sur le même circuit, ce qui va aussi ajouter à cette fameuse... cette fameuse activité-là et aussi aux vues de paysage qui pourraient être vraiment cool. Mm-hmm. La durée des parcours peut varier. On peut y aller entre 2h30 à 4h. Donc, si vous avez une petite journée, vous dites que vous pouvez faire une activité d'une demi-heure, allez pas faire ça parce que c'est quand même une randonnée qui prend du temps. C'est minimum 2h30. Mais vous pouvez faire aussi la grande randonnée qui est 4h. Alors, d'où le petit snack tout à l'heure, la bouteille d'eau, puis tout ça. Et il y a même aussi des possibilités de faire la via ferrata au clair de lune. Oh. Donc, vous pouvez le faire le soir, tu sais, un petit peu comme le poisson des chenaux, là. Ah, ça, oui. ça se fait pas mal plus de soir que de jour si vous y allez entre amis, exactement. Ouais. Mais c'est pour la via ferrata au clair de lune, c'est à Beaupré, à 30 minutes de Québec, et ça va être la première fois que ça se fait sous clair de lune aussi cette année. Alors, si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations ou savoir quels sont les forfaits et tout ça, bien, je vais mettre le lien pour le site Internet directement du projet Vertical, qui est le projet derrière cette fameuse activité d'hiver-là. Voilà. Génial. Tu vois, moi, Via Ferrata, c'est cool maintenant de savoir qu'est-ce que c'est. Moi, je pensais que c'était un burrito au début. Là, ça sonne tellement genre mexicain. Ah, c'est vrai. Non, moi, je pensais que c'était un Via Ferrero, comme genre, quand tu manges un emballage complet de Ferrero Rocher d'un coup, oui, d'un coup sec. Là. Non. C'est ça, mon Via. Non, c'est pas ça, malheureusement. Pour ceux qui sont moins téméraires, peut-être, et qui aiment peut-être moins se promener dans, soit dans les montagnes ou au-dessus des chutes Sainte-Anne, il y en a certains qui aiment beaucoup les marchés de Noël. Oui, et oui. Ceux qui disent que, justement, que l'hiver est arrivé, là, que novembre est là, novembre s'est installé, on en a déjà parlé, il va y avoir un marché Walt Disney à Montréal qui est quand même très, très cool, dans le même style que ceux qu'on voit, justement, à Disneyland. Donc, ça va se faire du côté de Montréal. Mais il y a aussi d'autres événements pendant ces fameux marchés-là qui vont la plupart du temps se dérouler soit à Montréal ou à Québec. Et cette année, vous pouvez voir aussi un gigantesque train de Noël. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne, tout ça? Bien, en fait, c'est très, très, très simple. C'est que chaque année, le Canadian Pacific Holiday Train se déplace d'un océan à l'autre. Et bien évidemment, il va passer par Montréal à chaque année. Mais ça fait maintenant 18 ans que le train fête justement Noël et fête le mois de décembre sur son chemin pendant sa tournée. Et chaque fois, l'événement est de plus en plus spectaculaire. Donc, on ajoute des fameuses activités à chaque année. Et c'est ça qui vraiment cool parce que cette année, vous allez avoir le Père Noël, vous allez avoir aussi des shows, c'est-à-dire des spectacles de musique qui vont se faire, tout ça à bord du train. Oh. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est le train va arriver, bien évidemment, il va comme s'accoster un peu. Je sais ben pas oui. comment tu dis ça pour un train. Donc, ça va être une super belle ambiance, mais il repart aussi. Faut pas oublier que c'est un train, ça reste pas là éternellement. Donc, il est là pour une durée limitée, mais à chaque année, le train va amasser des fonds, va collecter des denrées aussi pour les banques alimentaires locales et il va aussi avoir le devoir à un certain point de sensibiliser la population à la lutte contre la faim. Donc, ce train-là a un objectif. Ouais. Il n'est pas juste là pour, je sais pas moi... Faire cute, ouais. Exactement. Donc, c'est ce bon côté-là aussi. C'est dans le temps de Noël, c'est l'esprit des fêtes. Les fameuses denrées de banque alimentaire, il y en a plusieurs qui le font. Mais là, c'est cool, vous le mettez dans un train, vous savez pas où ça s'en va. Puis il y a quand même un petit mystère. Faut en profiter avant que le train lève l'ancre. Tout à fait. Donc, vous pouvez y aller, bien évidemment, en famille, entre amoureux, entre amis. Vous pouvez amener vos chocolats chauds, ce que vous voulez, en fait, petit belaise, là, en veut le chocolat chaud ou le café ou peu importe. Votre chien vagabond. Oui. Votre sans-abri. Exactement. Tout le monde est là. Mais vous allez pouvoir passer un excellent moment. Si vous voulez les dates, il y a 4 endroits où il va s'accoster. Donc, à Delson, apparemment que c'est au Québec, c'est le 25 novembre à 19h45. Par la suite, ça va être à Saint-Mathieu le 25 novembre à 20h40. Dans l'ouest de Montréal, ça va être le 26 novembre à 18h35. Et à Beaconsfield le 26 novembre à 20h. Donc, si vous avez bien compris, le train ne reste pas à la même place durant toute la journée. Vous devez vraiment regarder l'horaire de où il va aller et à quel moment pour savoir où vous... Vous, c'est vraiment vous pouvez l'attraper. C'est un peu magique, on dirait que t'es comme chanceux de l'avoir pogné à la bonne place. Exactement. Puis, tout ça est gratuit, donc c'est encore plus cool. C'est que vous pouvez aller profiter de tout ça, vous pouvez aller rencontrer le Père Noël avec votre famille ou vos amis à côté d'un train qui, en passant, oui, c'est un train de Noël, mais il est décoré en train de Noël, mesdames et messieurs. Il est plein de lumière, vous allez voir, c'est super beau. Je vais aussi vous mettre l'horaire d'où il va être sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Super! Une autre activité, parce que parfois, comme je le disais, on ne sait pas quoi faire. Je sais pas moi, t'as pas l'âme festif comme ça pour aller voir le Père Noël ou pour aller te geler dehors, je sais pas, t'aimes pas ça. Bien, sachez que c'est possible de louer une maison dans les arbres pour le parfait week-end d'hiver. Wow. Donc, c'est une possibilité et qui a jamais rêvé, honnêtement, de passer une soirée d'hiver dans une cabane, dans un arbre? C'est, la vue doit être incroyable. Donc, ça s'appelle Canopelli. C'est eux qui ont repris le concept des maisons dans les arbres pour en faire des hôtels. En gros, c'est un hôtel unique en son genre parce qu'il se trouve dans des arbres, justement, et c'est l'endroit parfait pour s'évader le temps d'un week-end pour profiter de la nature. Tu peux y aller pendant une fin de semaine en amoureux ou même, encore une fois, en famille, en amis, tout dépendant de ce que tu veux faire pendant les fêtes ou à quel moment tu veux le faire pendant... pendant tes vacances, parce qu'il y a des, il y a certaines cabanes qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Ce qui est quand même très, très cool. C'est comme une espèce de petit chalet, sauf qu'à la place d'être un chalet, t'es au bout d'un sapin désert. C'est vraiment cool. C'est super beau. Il y a plusieurs photos qui circulent sur Internet, sur Instagram, entre autres, où justement, on peut voir cette fameuse première neige-là qui a tombé sur les arbres. Mais il y avait des gens dans les cabanes déjà à ce moment-là, donc c'est vraiment beau. Et Canopéli, c'est accessible autant en été qu'en hiver. Donc, si jamais vous n'êtes pas du genre à apprécier les activités d'hiver, là, vous êtes juste du genre à hiberner, là, ça arrive, ça, ben, sachez que vous pouvez le faire aussi en été. Là, on ne va pas vous en vouloir. Là, mais c'est encore plus cool. C'est ça. La chronique, c'est les activités d'hiver. Donc, si tu y vas cet hiver, il y a un bon nombre d'activités qui vont être aussi praticables lorsque tu vas arriver là-bas, entre autres la raquette. C'est possible aussi de faire de la pêche blanche, de la motoneige. Il y a des chiens de traîneau. Et comme Canopéli est situé tout près de l'Anse de Roche, moi personnellement, je ne sais pas c'est où, mais tu pourras en profiter pour marcher sur des berges, voir les lumières du coucher de soleil sur l'eau et faire de la randonnée aussi près de l'eau. Mais ça va être gelé, là. Ouais. Tu vas pas mourir ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour les amoureux de plein air, pour ceux qui ou qui veulent tout simplement être un petit peu délusionnés. Non, je pense pas que ça marche dans ce cas-là. Dépaysé, ouais. Voilà. Ou si tu te cherches un amour de cet hiver, tu veux aimer l'hiver. Pour te convaincre, c'est ça qui va. Exactement. Tu sais, puis l'été, c'est cool parce qu'il va y avoir aussi d'autres activités. Tu vas pouvoir faire, par exemple, du volleyball, du kayak, du canot, de la pêche. Ça te rendra plus cool l'été. Ben, je sais pas. Parce que justement, de pouvoir faire de la pêche blanche, de la raquette, tu sais, ça doit être très, très calme. T'es dans les arbres, t'es dans la forêt. Donc, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit aussi, il y a un bâtiment d'accueil où tu vas pouvoir trouver des jeux de société, une bibliothèque, accès Wi-Fi, chocolat chaud, café. Tu sais, t'es pas laissé à tout seul au bout de ton sapin dans l'arbre, puis si t'aimes pas ça, tu restes là. Tu peux aussi aller faire un tour au bâtiment d'accueil qui va être un petit peu comme une salle de jeu. Tu sais, un endroit où tu peux aller te réchauffer aussi si vous êtes en train de faire une randonnée, ce qui peut être très, très cool. Et il va y avoir des déjeuners qui vont être livrés aux cabanes le matin. Donc, c'est vraiment parfait. En fait, vous allez passer votre commande. Vous n'avez pas à sortir de votre cabane. Ça va vous être livré. Et les cabanes sont tous équipées aussi d'un petit coin de cuisine. Donc, un rond, un évier, puis tout ce que vous avez besoin pour vous faire un petit snack et pour rester dans votre cabane au chaud. J'avoue que ça a l'air quand même pas mal le fun. Ben oui, moi je trouve ça vraiment cool de pouvoir le faire l'hiver. Je sais qu'ils ont aussi des grosses bulles transparentes dans lesquelles vous pouvez dormir, mais je sais pas si elles sont disponibles l'hiver aussi. Est-ce qu'elles sont disponibles simplement l'été? Je suis pas certaine. Renseignez-vous là-dessus. Exactement, j'ai pas réussi à avoir l'information. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, rendez-vous sur le site de Canopéli. C'est vraiment facile à écrire là, sur Google. Là. C'est Canopé avec un E, lit. Puis vous allez avoir tous les détails par rapport à ça. C'est environ à 6 heures de Montréal, 3 heures de Québec. Donc, on se dit peut-être 4 heures d'ici de Trois-Rivières, si jamais ça vous intéresse. Ah, wow! Pour d'autres, les vacances d'hiver, ça veut aussi dire tout simplement de fuir l'hiver. Oui. Et il y a quelques destinations vraiment pas chères où fuir le froid cet hiver, ça peut être très, très bien selon les prix. Entre autres, vous pouvez aller à Amsterdam, aux Pays-Bas, et vous allez pouvoir avoir un vol aller-retour pour 500 $ durant le mois de novembre et décembre. Présentement, c'est pour le mois de novembre, donc si vous êtes du genre à vous dire fin de session, moi je pars tout de suite. Amsterdam aux Pays-Bas, ça serait une des meilleures places où vous pouvez aller fuir le froid. Il y a aussi au Mexique, présentement, où c'est vraiment pas cher. L'endroit précis, c'est San José del Calvo et c'est 492 $. Encore une fois, vous avez un voyage compris pour ça. Donc, il y a plusieurs destinations, entre autres Georgetown, Guyane, 489 $. Il y a aussi, par exemple, au Costa Rica, 498, les alentours de 500 $ environ. Encore une fois, un autre endroit au Mexique, c'est Cozumel au Mexique, où là, ça vous coûte 400 $. Mmh. Parce que c'est la période creuse, j'imagine, moins de gens prennent l'avion à ce moment-là, j'imagine. Probablement. Ouais. Honnêtement, j'ai aucune idée du pourquoi est-ce que c'est si pas cher présentement. Ouais. Mais si vous voulez aller faire un tour aussi en Allemagne, à Berlin présentement, c'est simplement 500 $. Simplement. C'est vite dit, là, simplement 500 $. Par comparaison à d'autres voyages. Mais par comparaison, par exemple, à, je sais pas moi, une semaine dans le sud où ça peut être 1200, mmh. Là, vous avez des opportunités qui peuvent être très, très le fun aussi pour soit une courte durée ou encore une semaine. Donc, j'imagine qu'avec ces quatre activités-là différentes, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied, ouais, c'est ça? Ouais. Chaussures à votre pied et aimer notre temps d'hiver. Ah, Colin, une chance que tu es là pour nous donner envie de vivre cet hiver qui ne fait que commencer. Ouais. J'espère vous aider à passer, à passer au travers de l'hiver. Ça va être difficile. Merci, Tania. Fait plaisir. Les liens sont sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et nous, ben, on arrive justement à destination comme un train qui... comment t'as dit tantôt? J'ai rien dit. Qui accoste. Le bord de l'eau. Mais comment t'appelles ça de bord, un train qui arrête? Je sais pas, je fais juste rien dire quand je sais pas. J'aurais dû demander à mon capitaine de train dans le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bref, oh non, c'est ça, non. Veux-tu pénétrer le tunnel? Non. Donc, on va arrêter. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Merci à David Perron, qui a participé pour la chronique Zone Campus. Demain, on sera à mercredi. Et on va voir Sébastien F. Gartin avec sa chronique Butin Gartin à 7h30. Pardon. Et à 8h30, Gabriel Béot ne sera pas là, malheureusement. On va peut-être devoir faire un résumé de la lutte à la bonne franquette. J'étais pas là, fait qu'au pire, on fera pas de résumé de la lutte. Je pense qu'on va plus être ça. On verra bien. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui. À 10h, je serai de retour, mais d'autres tombent en rediffusion pour le Magic Plan Show. Ouais. À une époque où j'étais moins enrhumé. Oui. Ça a commencé jeudi, fait que mercredi, je suis encore correct. C'est la rediffusion de mercredi, vous aurez compris. Ensuite, à midi, c'est Rock de Neuron avec du rock progressif. C'est en rediffusion, ça aussi. À 14h, là, c'est vrai, nous serons de retour en direct, Talia et moi, pour une émission particulièrement musicale. Des palmarès assez fous parce qu'on va essayer de moins parler pour minimiser notre. Nos voix, voilà. Oui. Alors ensuite, à 19h, ce sera réanimation, émission de métal et d'horreur. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu Plante. À demain. À demain. Bon café.